de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux juifs en moi de travailler à la rédemption du reste des humains. Petit coup de l'âme de l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 26. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le par email à l'adresse suivante, dempart2, comme le chiffre 2, @dnmx.org. Je répète, dempart2@dnmx.org. On verra combien de temps cette adresse email tiendra. Le forum ELB, ça suit son cours. Excusez-nous encore pour la longueur de cette tâche. Je procède maintenant à la présentation de mon partenaire de la journée de cette émission. Donc, Cédric, qui pour la deuxième semaine consécutive se joint à moi pour discuter un peu d'actualité en cette fin du mois d'août. Pardon. Salut, Cédric. Salut, Ganda. Salut. Et qui a été particulièrement enthousiasmé par un fait récent à Marseille. Tout à fait. Il a insisté pour en parler. Avant de commencer, je vais remercier nos donateurs. Vous le savez, Démocratie Participative, notre site internet, ne tient que par les dons de ses lecteurs et auditeurs. Vous savez aussi certainement que notre site maintenant est directement censuré par le ministère de l'Intérieur. Et on ne passe plus par les fournisseurs d'accès à Internet, ça c'est presque la préhistoire. Maintenant c'est directement le ministère de l'Intérieur qui censure le site. Donc on a des changements fréquents d'adresse email en clair. Mais je vous recommande bien évidemment de vous doter d'un VPN. Ça n'est pas du luxe. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité récente de l'Union européenne, vous avez découvert qu'une nouvelle directive est entrée en vigueur qui permettra à l'Union européenne et à ses États membres de censurer beaucoup plus activement les grandes plateformes. Donc voilà, cette censure se systématise, ressemble d'ailleurs maintenant de plus en plus à ce qui se fait en Chine depuis maintenant déjà très longtemps. Brique par brique, ce mur de censure s'étoffe, s'élève. Donc, de toute façon, avoir un VPN, ça n'est pas du luxe. Ça, c'est pour accéder à nos noms de domaine sans aucun problème. Vous le savez aussi, j'ai régulièrement suggéré à nos auditeurs, à nos lecteurs, de faire d'une pierre deux coups en utilisant Tor. Comment ? Eh bien, en se dotant du navigateur Brave, Brave, gratuit, bien sûr, et qui dispose de la possibilité de se connecter à Tor directement dans un onglet spécial. C'est intégré, en un clic, c'est fait. Et là, vous n'avez qu'à entrer en fait l'adresse email Tor de notre site internet qui est disponible à droite. Vous la mettez dans vos favoris et là, il n'y a plus du tout de question de nom de domaine. Vous accéderez sans aucun souci à Démocratie Participative. Donc ça, c'est la meilleure façon de faire. Bon, un VPN, c'est pas du luxe. Et puis, pour vraiment les réfractaires qui veulent faire cette petite étape supplémentaire, vous avez le site en clair, mais dont le nom de domaine change régulièrement. Et via gab.com, le réseau social, où il y a une page Démocratie Participative. Voilà, si vous cherchez le lien, c'est simple, il est constamment sur le site internet en, en bannière. Vous cliquez et vous tombez dessus. Et là, il y a la mise à jour du dernier nom de domaine. Voilà. Donc, bon, tout est à peu près disponible pour vous pour retrouver le nom de domaine. Et puis, si par hasard, par extraordinaire, vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez quand même nous envoyer un petit email à l'adresse qui a été fournie et vous trouverez tout ça. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, le soutien financier de nos auditeurs et lecteurs est indispensable. Merci à tous ceux qui nous aident anonymement et à ceux qui nous envoient un petit message pour nous dire « voilà, je vous soutiens, voilà mon don » ou qui veulent simplement la confirmation du don. Alors, j'en ai plusieurs aussi cette semaine, donc je me fais un plaisir de remercier. Je vais commencer avec Blondie, que je salue bien sûr. Bonjour les démocrates, j'ai fait un don de 1 monero la semaine passée en soutien à vos efforts. Mon dernier email a été envoyé à la mauvaise adresse, donc l'ancienne quoi. Désolé. Pouvez-vous confirmer réception ? Alors ça sera fait. Continuez le travail, nous sommes avec vous. Le barrage commence lentement à se fissurer. Les micro-fissures ne se voient pas toujours à l'œil nu et pourtant elles existent. Votre action contribue à cet effritement. Personne ne pourra retenir le torrent. La vérité finira par tout emporter. Une pensée à notre camarade Vincent, évidemment Renoir, toujours détenu. Merci Blondie. Don numéro 2, bonjour à toute l'équipe. Comme l'année dernière, à la même époque, je viens de vous envoyer un don de soutien. Ici 0,57 Monero. J'ai une pensée pour Vincent, toujours dans sa geôle écossaise. Il s'était même exprimé à la lecture de mon précédent message dans l'émission sur un sujet plutôt clivant, la musique du diable, que certains jeunes blancs aiment écouter. Oui, je me rappelle très bien d'ailleurs de cette discussion. Donc à l'époque, Vincent était encore libre et il participait à l'émission. Je sais Gandalf passionné par les anecdotes, en voilà une. Un de mes vieux oncles, produit pur de la génération boomer, aisé car touchant une très bonne retraite, aux alentours de 3000 euros net quand même par mois, hein, a passé près de 50 ans de sa vie à expliquer au reste de la famille que le socialisme et le communisme étaient les seules voies possibles en politique. Pour lui, l'extrême droite, c'était le mal absolu, impossible de discuter et de débattre. Dans les repas de famille, son mot d'ordre était « il faut accepter les Noirs, les Arabes, le système de la CAF et les PD. Ils sont une richesse qui, pour payer la retraite, on est tous les mêmes, pas d'amalgame, etc. » Tout ça sans broncher. Il a même été plusieurs fois élu sur des listes socialo-communistes locales dans la campagne paisible d'une région que Gandalf semble bien connaître. Ah oui, je vois le problème. Je vois le problème. Alors, puis, pour une raison inexpliquée, le ciel lui est-il tombé sur la tête, il a fait son coming out de boomer droitard et est désormais un militant pro-Zemmour acharné. Ce n'est évidemment pas la panacée, nous le savons bien, mais cela fut une vraie révolution dans la caboche de ce vieil homme. Il avoue maintenant sans détour qu'il est effrayé par le nombre de Noirs dans les grandes et petites villes. Son angoisse, la plus profonde, étant qu'une de ses petites filles, de jolies ariennes, finisse avec un nègre. Bref, toute une vie de combat, lol, pour finir par comprendre, à plus de 70 ans, quelques vérités élémentaires. Force à vous que les dieux vous gardent, c'est signé Loborouze. Alors je me rappelle très bien de Loborouze qui nous soutient effectivement aussi financièrement. Et merci pour cette anecdote. Alors évidemment, il y a dans l'équation un boomer, donc je me tourne immédiatement vers Derek. L'empoisonneur de puits par excellence, tu vois. C'est 50 ans, 50 ans empoisonner le puits. Putain, mais merde, l'eau elle a un goût bizarre, tu vois. Alors il empoisonne pas, parce que empoisonner des puits, c'est quand même réservé à une certaine élite, mais oui. Bon, lui, il va chier dans le puits, quoi. Il va chier dans le puits, et putain, j'ai pas envie de boire, là. C'est pas bon, hein. C'est pas terrible. Hein. Connard, ouais. Bah, le communisme à 3000 euros par mois, oui, ça va, hein, je veux dire. Ils ont bien mérité leur retraite. C'est tout le temps. Alors lui, s'est réveillé. Hein. Il faut savoir que la plupart ne se réveillent pas. Hein. Il s'acharne. Il se réveille en enfer, peut-être. Il s'est réveillé. Bon, écoutez, oui, tant mieux. Bon, c'est un petit peu trop tard, quoi. Hein. C'est ça. Don numéro 3. Bonjour Gandalf et à toute l'équipe. Un don de 0,1 Monero vous a été envoyé. Merci pour votre émission. J'aimerais savoir si Diabolix allait revenir prochainement car j'aimais bien ses interventions, surtout sur l'Est de l'Europe. Une pensée pour Vincent Renoir, bien sûr. Alors, il nous dit en post-scriptum, j'ai pris la peine de me réécouter votre première émission et je n'ai pas été déçu, le générique de l'émission était extraordinaire. Saison numéro 1, épisode 2. Signé Alpineur. Merci Alpineur qui nous soutient régulièrement. Oui, alors Diabolix devra revenir dans l'émission, simplement il a pas mal de problèmes personnels à résoudre qui lui prennent beaucoup de temps en fait. Hein. Donc c'est chronophage et donc il se bagarre un peu avec ça, mais normalement quand il en sera venu à bout, il devrait revenir dans l'émission tout à fait. Mais là il est très pris en fait. Donc voilà ce que je peux te dire, Alpineur. Et merci encore pour ton soutien. Don numéro 4. Je vous ai envoyé ce 12 août un don de 1 monero. Pourriez-vous me le confirmer, s'il vous plaît? Vous devriez mettre à jour votre adresse email sur le site. Alors ça a été fait, c'est ça qui est bizarre. Normalement, c'est la bonne. Donc peut-être un problème de cache. Ça me paraît étrange. Donc sur le site, normalement, hein, c'est bien l'adresse traditionnelle qui est en place. Il faudrait qu'il indique sur quelle page et comment il regarde. Est-ce que c'est pas sur mobile, un truc comme ça? C'est peut-être des mauvaises adresses qui traînent, c'est pour des versions différentes. C'est pas faux. Donc précision demandée, cher ami. Précision demandée, tout à fait. Alors, dans la nébuleuse des heures les plus sombres de notre histoire, vous êtes les seuls à avoir une vision claire et sans concession de ce qui se trame, avec en plus ce côté humoristique grinçant qui me plaît beaucoup. Continuez ainsi. C'est signé donc Eurabia Delenda Est. Merci, cher Eurabia Delenda Est. Et confirmation sera envoyée en temps et en heure. Don numéro 5. Bonjour chers camarades, voici ma contribution pour les semaines du 7 et 14 août, soit 25 $ canadiens. C'est signé un homme du Nord. Merci homme du Nord, il nous avait demandé une première confirmation pour voir si les transactions passaient. Elles passaient bien, et donc merci pour ce soutien qui nous vient donc du Canada. On est écouté au Canada, et ça c'est toujours plaisant. Enfin le Canada français, plus précisément, hein, c'est sûr. Donc c'est une excellente nouvelle. Même si j'ai des échos négatifs de l'évolution raciale du Québec, notamment au plan urbain, où il y a une prolifération d'Haïtiens, oui, certes francophones. Une francisation. Oui, c'est ça. C'est ambivalent, hein, l'amour de la France. Attention à ça. Hein. Enfin, ceci étant dit, de la partie anglophone, c'est pas plus brillant. Mais vous auriez des Chinois, des Sikhs, quoi. Bon, c'est un peu mieux que l'haïtien, il faut quand même bien le dire, mais bon, c'est pas... Voilà. Ah, c'est... Ouais, l'haïtien, c'est quand même l'étalon or, quoi. Tout à fait. Ouais. Les galettes de terre, quoi. Les galettes de terre, au niveau sanguignolant, l'haïtien, c'est... Ah, c'est pas mal, hein. C'est bizarre qu'ils migrent pas vers la France, d'ailleurs. Ouais, c'est un peu étonnant qu'il n'y ait pas Il y a l'attractivité des États-Unis, enfin de la Floride, et puis des fous du Canada qui en veulent. Quoi. En fait, c'est ça. Oui, économiquement, c'est plus intéressant d'aller dans ces zones-là que d'aller en France. Ouais. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, hein, avec. Nous, on a l'Afrique. Oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est ça. Entière, hein. Voilà. Ouais. Don numéro 6, et c'est le dernier. Bonjour DP. En premier lieu, merci pour votre retour quant aux différentes options, donc de dons. Hein. J'ai testé Kraken pour l'achat, hyper simple, mais la transaction est payante et il faut laisser reposer la pâte aux frais durant 72 heures avant retrait. J'ai donc dans la foulée retenté de vider mon portefeuille My Monero et cette fois-ci, la manip semble avoir fonctionné. Vous devriez recevoir 0,53 Monero. On confirmera donc Dagobert, puisque c'est Dagobert qui nous envoie ça. Merci pour le don. Et merci encore une fois à tous ceux qui nous soutiennent. Parce que là, Darmanin fait du zèle. Hein. Il est candidat à l'élection présidentielle, il fait du zèle à l'égard de la communauté juive. Il va falloir qu'il montre son utilité. Qu'il ait des résultats, parce qu'effectivement, oui. Ouais. Bon, on va en parler après. Rubrique numéro 1. Courrier des lecteurs, bonjour Gandalf, bonjour à toute l'équipe, je suis ravi de savoir que vous avez bien réceptionné mon premier don effectué à présent mon second don d'un montant de 0,33 Monero. Alors en fait c'est une femme au sang pur qui nous écrit, vous vous rappelez de son anecdote, donc en fait j'ai pas mis ça dans la rubrique de don au sens strict puisqu'il y avait un message qui était associé, mais bon il y a un deuxième don, merci aussi pour ce soutien bien sûr, évidemment. Je tenais à vous remercier chaleureusement pour le travail considérable et remarqué accompli. Mon esprit critique et mon sens de l'analyse sont sans cesse plus aiguisés à chaque nouvelle lecture et écoute. Vous êtes une bouffée d'oxygène dans cet enfer suffocant qu'est devenu la France. Je constate une radicalisation progressive de mon entourage, ce qui est très appréciable. La libération de la parole est en cours. Salutations. Et c'est signé donc une femme au sang pur. Merci, femme au sang pur. Bah, j'en profite pour vous demander à tous si vous pouvez vous créer des petites listes de diffusion personnelles, vous savez, des listes de contacts, et glisser le lien vers le podcast. Faites-le, s'il vous plaît. N'hésitez pas à évangéliser en faisant connaître le podcast autour de vous. Hein. Faites pas juste que l'écouter. Faites-le connaître aussi, ce serait vraiment bien. Et un moyen de le faire, c'est vraiment par email. Écoutez-le, voilà, vous ajoutez comme ça vos contacts et vous le faites comme ça. Et c'est par bouche à oreille, c'est efficace, hein, les mailing lists. C'est pas très compliqué, hein, en fait, vous allez, peu importe quel est votre service email, mais vous créez une liste avec toute la liste des contacts. Et ensuite, quand vous voulez envoyer un email général, bah, vous mettez votre message et vous avez juste qu'à entrer le nom de votre liste dans la barre d'adresse et ça se fait automatiquement, tout ça, ça se maîtrise très bien et voilà, moi je vous invite à contribuer de cette façon-là, hein, d'ajouter votre pierre à l'édifice. Sur les réseaux sociaux, bon bah en général les messages se font sauter, donc bon c'est voilà. Pas la peine. Il y a peut-être des clips éventuellement, vous pouvez peut-être découper des clips de l'émission et les mettre sur Twitter par exemple, mais bon, pour combien de temps ça va rester en ligne, on va voir. Oui, pour peu qu'il n'y ait pas trop de mots interdits. Ouais. Bon. Voilà, ouais, c'est ça. Bon. Il faut mettre des gros. Des bips. Oui, des bips, ou alors ou remplacer certains mots par d'autres. Ouais, ça peut être rigolo aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Bon, il y a des façons de faire connaître, mais c'est vrai qu'il faut un peu résister parce que, comme on est quand même très réprimé sur le net en clair, contourner la censure, c'est assez intéressant. Et puis, évidemment, tracter, bien sûr. Ça marche du tonnerre de Dieu, ça, le tractage. Ça fait réagir, etc. Enfin, dans la plupart des cas, ça fait réagir. Donc voilà, quoi. N'hésitez pas. Alors, pour le tractage, il y a des consignes très strictes. Hein, il y a un onglet spécial. Donc, il faut vous y référer. C'est dans la barre du haut, là. Vous cliquez et bon, tout est expliqué. Hein. Donc, voilà. Donc, merci à Femme au sang pur, encore une fois. Donc, rubrique numéro 2, guerre raciale. Bah, on va aller à Marseille, là. On va aller à Marseille. Et c'est BFM TV qui nous en parle. Alors, il y a une vidéo, en fait, hein, de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, il n'y a pas d'échanges verbaux, donc il n'y a rien à écouter. Mais la vidéo est assez spectaculaire. Hein. Alors, je vous donne l'article de BFM TV. Alors, un couple de septuagénaires, donc ce sont des blancs, hein, je précise quand même. Hein. Un couple de septuagénaires a été la cible d'un tir d'arme à feu par deux individus qui ont tenté de voler leur moto sur le boulevard Guigou, dans le 3e arrondissement de Marseille, jeudi soir aux alentours de 23h30, a appris BFM Marseille Provence, confirmant une information de La Provence. Le couple circule sur sa moto, une BMW 1200 GS, lorsqu'il s'arrête au niveau d'un feu tricolore. Deux hommes sur un scooter s'approchent du véhicule. L'un d'eux sort une arme et la braque en direction du couple, afin de lui subtiliser l'engin. Devant le refus du conducteur, l'homme tire sur le couple qui tombe. Au sol, les deux suspects tentent de s'emparer de la moto en vain, puis prennent la fuite. Le conducteur de la moto, âgé de 72 ans, a été blessé et pris en charge par les marins-pompiers. Transporté à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Alors la vidéo, en fait, montre le boomer au sol, éclaté, avec la jambe en sang, visiblement. Alors je ne sais pas si c'est en raison de la chute ou si c'est en raison de du tir, mais voilà. Alors, Derek, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est fréquent, ça, à Marseille? Non, c'est pas fréquent, tirer sur des gens, quoi. Enfin, c'est ça le truc, c'est que cet événement-là, ça traduit une étape qui entraîne tu vois, on passe sur une nouvelle étape. C'est plus les règlements de compte entre eux. Peut-être que ça ne suffit pas. Il y a peut-être une contraction de la demande au niveau stupéfiant. Hein, je ne sais pas. Il y a maintenant des mecs qui arrivent et qui te tirent dessus. quand t'es là. Alors ça, bon, ça c'est le premier point, évolution, degré de violence à Marseille. On franchit une étape. Ça commence à Marseille, ça ira de... Enfin, faut à suivre, mais ça va évoluer dans ce sens-là, quoi. Et le second point, c'est que les boomers se baladent en BM. Et voilà, bon, bah, écoutez, les boomers à moto, la moto, c'est enfin, c'est un truc, c'est plutôt pour les... Quand t'es jeune, un truc comme ça. Le BV, mais, comme ils disent là, le modèle en question, c'est plutôt pour les jeunes? Bah non, non, non, BMW, c'est la GS, c'est la moto de, comment dire, de... ouais, non, c'est plutôt pour les vieux. Moi, je vois pas que des vieux qui ont ça. Enfin, c'est des gens qui, voilà, c'est une moto qui est chère, voilà, qui coûte. Celle-ci, la 1200 GS, qui commence à dater, là, 5-6 ans. Voire plus pour les plus anciennes, mais c'est le haut de gamme de chez BM, quoi, hein. C'est le haut de gamme de chez BM, en termes de moto. Et en fait, oui, les jeunes blancs, ouais, ils vont pas se faire piquer ce genre de moto parce que bah, tout simplement ils en ont pas, ils ont pas de sous. Donc ceux qui, bah, comme le à la manière du courrier de tout à l'heure, hein, le. Oui, c'est le, ouais, ça fait le boomer qui a 3000 euros de retraite par mois, bon, ben oui, lui, il sera à même de goûter à sa propre médecine. Donc, cet événement-là voilà, me fait penser à ça. C'est-à-dire que, bon, pour une fois, le comment dire, la merde qui nous est proposée sur un plateau en argent avec une belle cloche, ben c'est pas pour nous, hein. Ça retourne à l'expéditeur. Justice donc, divine, voilà. Tu veux dire justice. Oui, voilà, donc c'est assez à voir comment ça va se dérouler, mais c'est vrai qu'il faudra encourager les Arabes et les Arabes et les Noirs, enfin, je sais pas, il faudrait lancer une rumeur comme quoi il y a de l'or dans la tête des boomers, c'est ça? Ouais, il y a de l'or, il faut. Ou alors pas, ou alors dans le ventre, tu vois, qu'ils les évitent. C'est intéressant. Ouais, il faudrait dire que bon, qui finissent un peu comme les chèvres lors de l'Aïd, quoi. C'est ça. Ah, on a retrouvé une chèvre dans un champ, elle était. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Écoute, c'est pas courant, hein, en France, ça, de quelqu'un qui se fait tirer dessus. Tentative de meurtre pour piquer une moto, effectivement, c'est un peu salé, ouais, c'est un peu. Ah, ouais, c'est un peu salé, quoi. Même parce qu'en plus, bon, c'est la douce, enfin oui, c'est une belle moto. Oui, c'est une moto intéressante, mais c'est même pas la plus récente. Enfin, après, il y a des sportives en moto, ben, je sais pas. Enfin, le type, il voulait visiblement, il voulait une bécane, quoi. Bon, okay, Oui, visiblement. Après, est-ce qu'ils connaissaient bien ou pas? C'est toujours un peu difficile parce qu'on ne connaît pas la situation des voleurs, mais c'est vrai que c'est pas inintéressant de pointer du doigt le fait que il y a une évolution qualitative. Alors, nous, ce qu'on a vu, moi, ce que je constate en tout cas, et on le constate un peu partout dans l'Hexagone, hein, maintenant, c'est qu'au départ, il y a un truc qui était quasi spécifiquement marseillais, mais j'exagère un peu, mais quand même, c'est à dire les règlements de compte armés, alarmes de guerre, sur fond de trafic de drogue, c'était plutôt marseillais, quoi. Voilà, les Arabes s'entretuaient pour le contrôle de la drogue à coups de rafale, mais en plein jour, je veux dire, en plein jour. Ça, c'était, voilà. Et maintenant, c'est partout. Bon, maintenant, c'est vraiment partout, c'est-à-dire c'est commun, c'est vraiment commun. D'ailleurs, j'ai vu là récemment, c'était à Nîmes, je sais Nîmes, pas si. Nîmes. Oui, à Nîmes, voilà, à Nîmes. On a vu les images de règlement de compte, hein. Donc il y a un jeune noir musulman qui est décédé, qui s'appelait Fayed. Ils en ont fait d'ailleurs tout un pataquès. J'ai vu Marine Le Pen s'en émouvoir. C'est mauvais. Ce sont des Comoriens, donc. J'ignorais. C'est proche de Mayotte, donc c'est. D'accord. Oui, ah d'accord. Il y a une continuité. Ah oui, continuité culturelle. On apprend au cœur, hein, quand même. Ah oui, je comprends. Mais on voyait effectivement le type se balader avec sa Kalachnikov, tirer à vue sur le véhicule en question. Bon, voilà, et ça, c'était à Nîmes, et à Nantes, c'est le cas depuis des années, etc. Donc ça, c'est généralisé. Il y a même des meurtres, à Rennes, il y a des meurtres en plein jour, hein, de sang-froid, entre dealers. Bon, ok, donc ça, c'est interne. Mais c'est vrai que là, ce que tu décris, c'est assez intéressant, c'est maintenant, ils n'ont plus vraiment peur d'assassiner pour voler, pour chourer une moto, quoi. Alors, ouais, c'est ça. Alors là, du coup, bah, si on se projette un peu, ça va être compliqué de gérer ça, parce que si vraiment tous les Arabes se mettent à faire ça, et oui, pour les coller en tôle, si parce que là, les tôles françaises sont pleines, elles sont à 73 000, je crois, détenues presque 74 000, donc Macron a dit qu'il faut en boucler à mort, alors qu'on était tombé à un plus bas sous le Covid, hein, ils avaient libéré tout le monde, donc ils ont bon, vous connaissez ce jeu-là, mais ils sont à maximum de capacité, bien plus d'ailleurs, parce qu'officiellement, théoriquement, je crois que les capacités en France, c'est 55 ou 57 000 places, je ne sais plus, donc ils sont bien au-dessus, donc en fait, ils bourrent les prisons, ouais. Et si en plus de ça, il y a des mecs qui tuent pour des motos ou des bagnoles. Et on va en faire quoi ? Ils vont les mettre où ? On va libérer qui pour les mettre en taule ? Donc c'est ça qui. Enfin, On mettra personne en taule. Voilà. Ouais. Alors, faudrait savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a une baisse de la consommation de stupéfiants qui fait que du coup l'économie le marché se contracte ? C'est peut-être qui se rabattent sur autre chose. Quoi. Non, mais c'est peut-être pour ça que de une, il y a des règlements de compte, et que même malgré ça, si tu veux, il y a pas assez à manger pour tout le monde. Donc, ça va commencer à braquer. Quoi. Voilà. Ces gens-là ne braquent pas parce qu'ils ont un business juteux. Oui, bien sûr. Leur chasse gardée, avec plus ou moins, plutôt plus que moins, la complicité de l'État. Qui de temps en temps, quand ça devient trop visible, voilà, il les déplace, ça doit faire bon. Il change de comment dire, de gestionnaire hein, pour l'entreprise. Mais ouais, c'est bon, à voir si ça ce que ça va être sur la durée. Parce qu'effectivement, si les gens ne peuvent plus payer leur cam. Alors déjà, ça peut-être ils vont commencer à moins dormir, quoi. Et par effet ricochet, les bougnègres vont peut-être aussi se mettre à s'énerver un petit peu, quoi. Donc on peut avoir quelque chose de type Zimbabwe assez rapidement, hein, comme ça. Hein, Début juillet, hein, on a eu un épisode quand même assez... On a eu, donc là on est au mois d'août, on commence à calibrer les gens pour leur piquer une moto, c'est vivement Noël, quoi. t'as suivi, t'as peut-être pas entendu, mais il y a la déclaration de Macron qui s'est maintenant découvert, il a dit il veut reciviviser la France, bon, c'est déjà en soi, bon. Et il veut arrêter l'immigration. Et alors moi, je me dis, c'est extraordinaire, parce que quand tu regardes Macron, c'est le mec qui a le plus envahi la France de tous les présidents de la République. Et Dieu sait que... Ouais. C'est en même temps. Macron fait quelque chose, et Macron est contre Macron. Donc, il est contre lui-même. Ouais, bon, ok, on a compris. Quoi. Donc, c'est vrai, j'étais là, d'accord, ok. Donc, il dit, il faut arrêter l'immigration. Bon, ok, bon. Bon, c'est du foutage de gueule intégral, comme toujours, avec ce type. Parce qu'évidemment, du jour au lendemain, il peut arrêter effectivement l'immigration. C'est très simple. Hein. Il donne les consignes à tous les consulats français présents dans les pays de départ de suspendre la délivrance de visa, déjà d'une. Il dit aux douanes françaises de bloquer les appareils. Éventuellement, Non, mais même pas. Il ne le fait pas. Je veux dire, il le... Non, mais tu as la partie regroupement familial. C'est-à-dire que tu as déjà. C'est une majorité. Oui, c'est une majorité de l'immigration. Il me semble que c'est la majorité de l'immigration, ouais. C'est ça. Quoi. Et c'est quelque chose qui est constitutionnel, si tu veux, hein, me semble-t-il. Oui, absolument. Ouais. Donc en fait, il y a une entropie de la chose par rapport à ce qui au substrat bounègre existant en France. Qui fait que le... Oui, enfin, en gros, on s'est fait harponner, quoi. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Il va limiter. Il va dire, bon, ben ouais, on prend que... Oui, bon. Ouais. On va supprimer rien, quoi. Ouais, d'accord, là. On va supprimer l'immigration, sauf si... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Sauf si vous êtes algérien, sauf si vous êtes... Bon, ouais, ok, on a compris. Sauf si vous avez peut-être si vous êtes sidaïque aussi. Par exemple pour le Zimbabwe, non c'est pas le Zimbabwe, c'est l'Ouganda. Par rapport aux lois sur l'homosexualité, bah là si vous êtes un Ougandais, vous arrivez en France, je suis persécuté parce que je suis homosexuel. Pas que. Il y a pas que l'Ouganda, c'est le pays quand même le plus à la pointe là-dessus. Il hein. faut saluer le président Museveni pour ça. Mais il y a tout un tas de pays où la promotion du sida, ou même le fait d'être un sidaïque, alors c'est pas condamné de la prison, mais c'est illégal. Donc, n'importe quel Sénégalais qui arrive et qui dit que il est de la même secte que comment il s'appelle là, Véran, le juif là. Ouais, Véran et l'autre, Véran et Attal là. Dont j'ai appris qu'ils étaient Véran maintenant. Attal, ouais, ils sont en couple voilà. Apparemment maintenant. Ouais. Paraît-il. Mais... Bah c'était dans Voici et... hein, bon voilà donc c'était. Oui. Enfin disons que c'était suggéré quoi. Ils passent beaucoup de temps. Bah ils sont ils sont torse nu l'été sur un yacht à deux. Bon moi je sais pas mais. Ouais mais est-ce qu'ils étaient que deux, est-ce qu'il y avait pas. Apparemment, c'est spécial. Quoi, hein. Fait document. Non, il n'y a pas de monogamie, je sais, bien sûr. Fait document a indiqué que, apparemment, ce projet de com était prévu depuis un moment, c'est-à-dire la communication sur le coming out, comme on dit. Quoi. Comment dirais-je, ou la shahada anal était prévue pour avant la réforme sur les retraites. Ça avait été abandonné en raison de la tension autour de ça. D'ailleurs, on n'en parle plus, vous avez remarqué. Hein, c'est la gauche menaçait la fin du monde, etc. Bon, voilà, ils ont avalé, ils sont passés à autre chose. Et ils avaient reporté, voilà. Donc, c'est un mi-aveu, voilà. Mais quand même mis en scène, je veux dire. Voilà, c'est des fausses, c'est pas des photos volées, je veux dire. C'est mi-aveu, oui. C'est parce qu'il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas d'image répugnante, quoi. Bah non, voilà, bien sûr. Donc, on attend le PAX, quoi. On verra bien, mais voilà. Donc Emmanuel Macron, donc c'est compliqué, hein, la France de Macron. Hein. Enfin, enfin voilà pour Marseille. Donc les boomers se font calibrer par la diversité parce qu'ils ont de trop généreuses retraites qui leur permettent d'avoir des véhicules tentants, très tentants. Pour, comment dirais-je, la jeunesse française. Oui. Ouais, mais c'est bien que tu parles de tentant. C'est vrai que les Arabes et les Noirs, bon, qui surtout les Arabes d'ailleurs, hein, qui ont souvent des problèmes à la tête, quoi. Hein. docteur Poro, encore une fois. Hein. Docteur Poro, oui. Voilà. Note de psychiatrie musulmane. Ça m'arrive des fois, j'ai le souvenir d'avoir marché comme ça dans un endroit où il y avait pas mal de monde, tu vois. Puis un type était assis, un arabe, espèce de grande tige qui n'ont pas d'épaule. Ouais. Tu vois, mais ils sont mal faits. Enfin voilà, avec un bien survêt, basket, casquette. Le mec, il devait avoir une quarantaine d'années, quoi. Hein, j'ai un truc, bon, le type, il foutait rien. Il était là, il foutait rien. Et le mec, il se parlait à lui-même putain, pourquoi je peux pas avoir des baskets à 500 balles, moi? Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Donc voilà, si tu veux, c'est. Voilà un petit peu leur truc. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont. Donc, schizo, en fait, c'est un schizo. Et voilà. ça cogite. Un Algérien. En fait. Un Algérien, voilà, ça cogite. Enfin, bon, si on peut appeler ça cogiter, quoi. Et au bout d'un moment, passe un boomer avec une moto, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, là, ouais. Moi, celui que j'avais vu, ça aurait pu être quelqu'un qui arrivait avec des mocassins Louis Vuitton, par exemple. Là, il serait retrouvé pieds nus. Mais alors j'allais dire. C'est plutôt les baskets, donc c'est plutôt. Ah, tu dis pieds nus, moi, tu sais, je veux dire, comme c'est quand même un peu compliqué dans la tête des Algériens, ils sont capables de scier les pieds avec les chaussures, je veux dire. Oui, c'est possible aussi. Tu sais, on n'a pas l'idée de les enlever, tu sais. Ah, je sais pas, hein, on a des surprises parfois. Mais voilà, ils sont très envieux. Ils sont très envieux de ce qu'ils n'ont pas. Oui, oui. Ouais. Et ils pensent qu'ils méritent. Ce sont des créatures, bon, c'est abominable, quoi. C'est... D'ailleurs, tu te rappelles, juste avant le début des émeutes raciales, Donc fin juin, début juillet, Emmanuel Macron était en déplacement. Il était en fait à l'étranger, comme dit le pape François. Oui. Il dit oui, bah, tu sais, il va visiter bientôt Marseille. Il a dit non, mais je vais pas en France, je vais à Marseille. C'est dans deux semaines, je sais pas. Il a dit ouais, ça va pas tarder. Hein. Et il a dit non, mais je vais à Marseille, je vais pas en France. Et il y a des journalistes, je présume français, qui ont dit qui l'ont réinterrogé pour voir si c'était mal exprimé. Et Bergoglio, qui est un provocateur né, a dit non, mais je ne vais pas en France, je vais à Marseille. Il a re-répété. Et vous savez ce qui s'est passé? Macron et sa bande, ils ont tellement ragé, parce qu'ils ne devaient pas rencontrer Macron. Et Macron, il a décidé d'aller à Marseille le même jour où le pape il arrive, pour aller le voir, carrément. Pour dire, non, c'est la France ici. Hein. Ouais. C'était dans la presse cette semaine. C'était normal, il n'y avait pas de rencontre prévue, et c'est ce qu'avait dit Bergoglio, c'était pas une visite d'État, donc il n'y avait pas de rencontre, parce que c'est aussi un chef d'État, hein, Bergoglio. Hein, voilà, donc il n'y avait pas de rencontre prévue entre les deux chefs d'État, il devait juste passer à Marseille comme ça, et Macron a crisé, et donc il dit, voilà, moi je m'invite, quoi, salut, je m'invite entre guillemets, parce que bon, c'est le chef de l'État français, donc il est chez lui bien sûr. Mais voilà, lui et sa bande ont vraiment très mal pris la formule du pape. Et donc, il force une rencontre, quoi, à Marseille. Intéressant, quand même. Et donc voilà, et je rappelle qu'il était là-bas... Ça serait bien qu'il y ait un petit peu d'animation. Il était là-bas au mois de juin. Et c'est quand il était présent, justement, parce qu'ils avaient, je crois, c'est ce qu'ils avaient dit, ils avaient nettoyé les rues, photos, quoi, voilà. Ils avaient interdit aux mecs de sortir, etc., de chez eux, c'était marrant à voir. Mais là, dernièrement, ils avaient mené une compagnie de CRS, ils ont récupéré un Colt 45. C'est bien. Oui, j'ai vu ça, ouais. Il y a des mecs qui font remarquer maintenant, jadis c'était le ministre de l'Intérieur, se rend sur place. C'est quand il y a une embrouille, quand il y a eu je condamne et je me rends sur place. Et en fait, maintenant, il y a une nouvelle façon de communiquer, c'est j'envoie la CRS 8. C'est ça. Tu vois, donc les mecs arrivent. Je dis bien que je vais l'envoyer. Attention, on va venir. Oh, oui, les CRS, voilà. T'sais. On va venir. Hein. C'est-à-dire le mec qui avait son Colt et était vraiment pas futé, quoi. Bah, j'en ai vu une autre dans le genre comme ça, donc toujours les fausses interventions ultra filmées pour rassurer les. Et ça marche, hein, je veux dire, faut préciser. Ah bah, les boomers adorent ça. Les boomers, oui. Oh. Ah là là, ouais, ça y est, ça voilà. Ah ouais. Darmanin, qu'est-ce. C'est un dur, hein, voilà. Ouais, ouais. Ah là là, ouais. Non, parce que nous, ça nous fait marrer, nos auditeurs de se dire, ah putain, c'est ridicule. Non, mais attention, c'est pas parce que nous. Ah, mais les boomers se font, le psyop, c'est un psyop pour boomers, quoi. Et ça marche à fond. Et j'en ai vu une à Nice il y a peut-être un mois et demi. C'était les inconnus, quoi. T'avais le galonnet, etc. Donc on a saisi, puis ils avaient saisi rien, quoi. Tu sais, genre une fiole un peu louche, etc. Il y avait rien, quoi. Ils avaient bouclé toute la cité, etc. Bref. Chiffaud, il avait mené. Bon. Oui, lui-même, oui, non, mais en plus, c'est ça. Voilà, c'est, voilà. Donc, ils n'avaient rien eu, ils n'avaient rien trouvé, quoi. Mais c'était pour les. Ils disaient, oui, donc, surtout le territoire français, la police nationale est constamment mobilisée. Enfin, c'était un sketch, quoi. Mais bon, c'est. Et donc, maintenant, c'est systématisé. En fait, bon, voilà, les flics ne servent plus à vraiment gérer le problème. Bon, ça, c'est oublié. Bon, il suffit de regarder les fusillades, les morts, les trucs. Maintenant, on gère l'image. On gère les boomers. On gère les boomers, on gère l'image, on gère l'électorat. Voilà, exactement. Jusqu'à ce que les boomers se fassent calibrer par la... par des gens qui cherchent des motos. Voilà. Mais j'ai vu un truc vraiment effrayant, c'était Sarkozy qui faisait une dédicace à la boule. Oh là là. Alors... J'ai vu une vidéo horrible. Et alors, la boule, c'est en Bretagne, et c'est vraiment... il y a quelques points comme ça pour l'ancienne bourgeoisie, parce que ça évolue aussi. Si vous avez vu les images récentes qui nous viennent de Cannes, etc., là, donc sur la Riviera, ça commence à craindre sérieusement, parce que le public a beaucoup changé. Hein. Je voyais les boîtes de nuit à Cannes, il n'y a presque plus de blanc, en fait. Hein. C'est tous les banlieusards d'Île-de-France qui arrivent. Bah déjà les boîtes de nuit. Oui, déjà les boîtes de nuit, mais je veux dire c'était censé avoir un certain standing, oubliez le standing, hein, c'est Non, c'est mort. Et la boule, c'est un peu pareil, parce qu'à la boule, il y a des tas de problèmes maintenant. Vous avez des embrouilles sur les plages, etc. Alors qu'avant, c'était pareil, c'était censé pour les gens qui ont des moyens, quoi. Surtout les Parisiens, d'ailleurs. Et pareil pour Deauville, etc. quoi. Et donc, c'est quand même un repère, l'été, on va dire, de bourgeois de droite. En gros, voilà. Donc, Sarkozy se pointe, c'est pas par hasard qu'il vient faire sa dédicace là. Et alors, il est dans une petite... je sais plus si c'est aussi une librairie, etc. Enfin, il y a une queue de fou, quoi. Il y a une queue de dingue. Que des vieux. Ah oui. Mais attends, ils font la queue. Et puis, ils font pas la queue 10 minutes, hein. Je veux dire, c'est des heures de queue. C'est des heures de queue. Des heures. Et alors, ils interrogent les mecs. Et moi, je me suis pincé. Je me suis dit, non, mais... bon, ouais, la démocratie, quoi. Donc, on demande aux mecs, pourquoi vous voulez voir Sarkozy, etc. Ok, donc ils disent, bon, évidemment, tout le bien qu'ils en pensent, ils disent, oui, et si Sarkozy dit, parce qu'effectivement, Sarkozy a dit qu'il soutenait la candidature de Darmanin pour la présidentielle de 2027, parce qu'il le trouvait très compétent. Bon évidemment, Sarkozy doit bien jouer un cheval pour le protéger à cause de ses affaires, hein. c'est ça uniquement, hein. il est jusqu'au cou dans toutes ses affaires de corruption, et il a besoin de... Il a besoin de relais dans le gouvernement pour essayer de le protéger à un titre ou à un autre. En gros, c'est ça. Donc, il a choisi Darmanin parce que, bon, à LR, il n'y a plus grand monde. Et il est en lien avec Macron, donc vous avez compris. Et alors, on demande aux boomers, mais est-ce que vous soutiendriez Darmanin? Et alors, tu vois, les boomers, ils sont unanimes, quoi. Ah oui. C'est quelqu'un qui... Puis t'es les vieilles, surtout les vieilles. En parlant de Darmanin, oui. Hein, elle disait, oh, puis il a une prestance. Putain, j'étais là, mais c'est pas possible, quoi. Le machin, c'est Faradon, je sais pas quoi, sorti de chiffres, mais tu sais, le gnome avec sa sale gueule, Bazin, tu sais, même en janvier, t'as l'impression qu'il vient de, qu'il revient de vacances à Casablanca, c'est hallucinant, ouais, ce truc. Ouais, ouais, ouais. Et là, il y a une prestance. C'était tous les vieux, mais tous les vieux, tu sais, qui avaient plébiscité Sarkozy, qui plébiscite Macron, c'était là, putain, mais ces gens votent, quoi. Et c'est même pas qu'ils votent, c'est qu'ils survotent, ces types. Ils survotent. Pour 2027, si Sarkozy me demande de voter Tartempion, ben je voterai Tartempion. Voilà, au moins comme ça, je suis clair. Je suis fan. Faute de mieux, pourquoi pas. Oui, il n'y a pas tellement de leaders à droite, malheureusement. Donc, oui, je serais prête à voter pour Gérald Darmanin. Oui, pourquoi pas. C'était effectivement un républicain ou un UMP de l'époque. Peut-être peut-il faire effectivement un compromis pour ramener à lui les choses. Mais bon, à 4 ans des échéances, c'est encore un petit peu tôt peut-être pour se positionner. Bah écoutez, s'il se présentait, évidemment je suis acquise. Pourquoi? Parce que l'homme, sa prestance, ce qu'il a fait déjà, moi je me suis toujours très bien vu représenté par lui. Cette tenacité, cette vivacité, ce franc-parler aussi, et non, je pense que c'est des qualités qui sont appréciables. Ils sont mobilisés à 90% aux élections, ces types, quoi. Et là, j'étais là, oh là là là là là là là là. Mais tu sais, tu peux pas, ces gens sont dans une réalité parallèle. Vous les fréquentez au quotidien, vous les voyez dans vos rues, ils fréquentent... Ils sont là autour de vous, ils sont ailleurs. Ils ne vivent pas du tout dans votre réalité. Oui, ils sont dans les restos toute l'année, voilà, ils sont là. Quoi. Ah bah oui, justement. Bah oui. Oui, justement, oui. Justement. Et pour pas qu'ils payent trop cher dans les restos, il faut qu'on fasse venir des migrants, parce que tu comprends. Et c'est important. C'est important, quoi. Enfin, voilà. Alors tu me dis ça. Excuse-moi, je te laisse terminer, mais Oui, alors il y a eu une polémique sur le. La gauche a voulu déclencher une polémique à propos du clip de présentation de la sélection française pour la Coupe du Monde de rugby, qui aura lieu donc en France. Et j'ai vu un boomer tu vois le clip, etc. Oui, oui, il y avait un boomer de gauche qui disait que ça manquait de diversité, etc. Alors moi, le problème, c'est... Alors à chaque fois, on n'est pas dans la même réalité. Alors moi, je vois le clip... Je voulais m'arrêter un petit peu, justement, en parlant des boomers. Donc, je vois le clip. Et alors, moi, je suis effondré par le nombre de nègres, en fait. Bon, en fait, c'est pas vraiment des nègres. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas mal des machins des îles qu'ils ont, là, du Pacifique, etc. Bon, bref. Oui, des aborigènes. Ouais, voilà, ils ont. Et moi, je suis effondré parce que il y a encore 20 ans, la sélection française de rugby, c'était une sélection blanche. Elle était blanche, pratiquement blanche. Il y avait un ou deux, mais c'était grosso modo, c'était que des whites. Et là, sur la sélection, je dirais, sans trop me tromper, qu'il y a au moins un tiers d'extra-européens. Donc, moi, ce que j'en retenais, c'est d'abord la catastrophe raciale, en fait, au niveau de la sélection française de rugby, quoi. Ce qu'on ne retrouve pas, en tout cas pas du tout avec la même ampleur au Pays de Galles, en Irlande, ou dans les autres nations de rugby, hein. Je veux dire, donc j'étais bon, je le retenais ça, et même parmi les présentateurs, il y avait un nègre parce qu'il fallait en mettre un, quoi. Bon, donc moi je trouvais ça en fait, ça saturait de diversité raciale, donc c'était ça que j'en retenais. Alors les autres ont vu exactement l'inverse, ils ont dit putain, ça manque quand même, ça, il y a que des blancs dans ce clip. Alors j'étais là, mais tu comprends pas, ils sont albinos, quoi, il y a un problème. Daltoniens, je veux dire. Ils sont daltoniens, il y a un truc. Bon, ça, c'était une chose. Mais surtout, le clip, en fait, était censé être un peu traditionnel. C'est-à-dire qu'on montrait la France du terroir. Et c'était surtout la France du sud-ouest, en réalité. Hein. Quand tu regardais les paysages et tout, on n'était pas du tout dans le nord de la France. Bon, ça se tient, puisque, en fait, le rugby est principalement pratiqué dans le sud-ouest. Donc, c'est là où sont les gros clubs, hein. Donc, bon, évidemment, c'est normal que ce soit mis en avant, puisque on mettait les joueurs et leur ville d'origine. Et donc, évidemment, les joueurs du Sud-Ouest revenaient le plus souvent. Et qu'est-ce qu'on voyait derrière ça? On voyait les scènes des villes. Et qu'est-ce qu'on voyait comme scènes des villes? Des gens qui mangeaient dehors au restaurant. C'était quasiment le seul message. C'est des gens qui mangent et qui boivent. Ouais. D'accord? Donc, ils sont en terrasse, il fait beau. Donc on voit la ville et tout, tu vois, c'était ça le censé être là, un peu la France terroir, quoi. Et en fait, c'est des boomers qui qui bouffent. Voilà. C'est des boomers qui bouffent. Et tu les vois, hein, ils sont là, ils sont en train, ils sont 6, 7 autour d'une table, ils versent un coup de rouge. Pas chez eux, hein, je dis bien, en terrasse, au restaurant. Et alors, voilà, et ça revenait constamment. Et je me dis, il y a sociologiquement, ils visent bien un public, là, c'est pas possible, autrement, je veux dire. Et visiblement, ils visaient pas un public de jeunes, hein. Non, c'est juste que c'est, enfin, il y a que eux qui sont tu avais des restaurants où c'était assez populaire, comme ça, mais non, c'est plus possible, ça n'existe quasiment plus. Ouais, c'était intéressant, je trouve ça révélateur, quoi. Donc ça, c'était juste en passant, quoi, en disant que un petit crachat pour les boomers. Bah non, mais l'hôtellerie-restauration, en fait, c'est les boomers, en fait. Oui. Sauf le McDo et les kebabs, mais en dehors de ça, c'est, je veux dire, l'hôtellerie-restauration, c'est des vieux, oui, quoi. Oui, ceux qui payent les retraites, effectivement, sont... Ils sont pas ceux qui y vont, hein, visiblement. Oui, ben c'est ceux qui payent les retraites doivent se cantonner au fast-food, et puis, bon, ceux à qui l'on doit tout, hein, oui. nos chers aînés, ils peuvent avoir un certain standing, payer des bonnes bouteilles, etc. Ah, je voyais une réaction sur Twitter. Peut-être qu'il se reconnaîtra, mais donc il racontait un peu sa vie perso et il disait qu'il avait une discussion avec sa mère, qui était une boomeuse, quoi. Donc on rappelle, hein, pour que ce soit clair, boomer, c'est pas juste les gens qui ont plus de 50 ans. Attention, c'est un segment bien précis dans le temps et dans l'espace. Ce sont les gens qui sont nés entre 1945 et approximativement 1962. Vous pouvez pousser un peu plus sur les post-boomers, mais grosso modo, c'est cet étiage-là, quoi. Donc, c'est des gens qui ont entre 60-70 ans, approximativement. Et donc, il disait, ouais, je discutais avec ma mère, bonjour, maman, machin, truc. Tiens, mais si j'avais des enfants, est-ce que tu les garderais comme mamie m'a gardé? Voilà. Et la mère lui a répondu tout de go, bon, oui, une fois de temps en temps, bien sûr, je serais content de voir mes petits-enfants, mais par contre, elle a dit, je veux pas sacrifier ma retraite. Bah oui. Elle a dit ça comme ça. Bah oui. Ah, l'autre, il a dit, bon, ça va que de toute façon, si j'avais des gamins, en fait, je ferais tout pour qu'ils aient le moins de contact possible avec mes parents. Il disait ça comme ça, c'était marrant. Il dit, parce qu'ils sont toxiques, quoi. Ils sont toxiques et ils empoisonneraient mes enfants. Mais, alors du coup, je me suis mis à chercher parce que je voulais... Alors, je suis bien tombé sur un article de l'Express, mais il y avait un paywall, j'ai pas pu le lire. Mais c'était le titre, c'était les nouveaux grands-parents fixent les règles du jeu. C'était comme ça. Et alors le truc, ah oui, oui, moi j'ai plein d'exemples comme ça au boulot. Ah ouais, ah ouais. Si tu veux, tu as des vieux enculés qui ont leur, en plus ils se barrent avec leur camping-car sans leurs petits enfants. Tu vois, ils ont un petit. Tu vois, ils pourraient bon. Et puis ils partent pendant les vacances scolaires. Si tu veux, ils partent pas en plus. Ils se barrent un mois, tu vois, et puis tout seul, ils ont leur camping-car, voilà, puis le ils ont un seul petit enfant, et non, ça leur n'a pas idée, j'ai des cas comme ça dans mon entourage, c'est impressionnant. Hein. Enfin, et disons, ils assument le refus, je veux dire. Ils assument complètement. Tu sais pas? Enfin, moi, ouais, ils assument. Mais enfin, moi, je suis pas dans ce cas-là, si tu veux. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez pour les frapper? Putain, mais c'est. Ils vont faire. Frappez-les! Attends, enfin, je sais pas, ok. Ah, il faut les corriger, quoi. Il faut corriger ces gens. Ah ouais, ils sont. Et qui va leur apprendre la discipline? Leurs parents, ils sont plus là. Si c'est pas leurs enfants qui vont les corriger, frappez-les. Ah, c'est vrai. Enfin bon, voilà, c'était. Mais ils assument complètement leur égoïsme, ils sont à l'aise. Ah, ouais. Ah bah écoute, ouais, pas de problème. Moi, assumer. Ouais. Ouais, tranquille. D'accord. Bon. Ah ben, t'en la joues. Alors, passons à la rubrique suivante. Rubrique numéro 3, coïncidence. Coïncidence. Alors, on en a entendu parler sur tous les tons. Hein. C'est cette histoire de tagage. Ah mon Dieu. De magasins juifs à Levallois-Perret. Ah oui, c'est insoutenable. Donc on parle bien de, comment dirais-je, de la commune de Monsieur Balkany. Balkany. Qu'il aurait oublié. Et alors, on nous avait dit que les heures les plus sombres de notre histoire revenaient, que les nazis étaient libérés. Et Monsieur Darmanin a fait savoir qu'il y avait eu une interpellation, mais... Il ne voulait pas en dire plus. Et là, on a vu des gens comme Hossam Messia, sur CNews, bien entendu, dire « Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Si on ne nous dit pas qui c'est que le profil ne correspond pas à un homme d'ultra-droite. Hey ! Donc, sous-entendu, c'est un bougnoul. » Plus exactement, dans la bouche de Messia, un musulman. C'est un musulman antisémite. Et alors, tu vois, et on les a vus tous comme ça, tu sais, faire tourner la machine. Alors évidemment, il y avait, bon, évidemment, la LICRA. Alors la LICRA, ils paniquent parce que ils sentent qu'ils ont évidemment perdu la main dans la machine antiraciste. Alors maintenant, ils font des procès en incompétence de lutte contre l'antisémitisme, ça c'est intéressant. Donc là récemment cette semaine c'était contre l'humanité à propos de Médine, on va y revenir. Vous êtes bon. Voilà, donc ils s'occupent même plus tellement de soi-disant lutter contre les antisémites, c'est plutôt arrêter de nous piquer notre business, s'il vous plaît. Voilà, c'est plutôt ça. Hein, donc adressé à peu près à tout le monde. Il y avait Marek Alter qui était. Bon, je rappelle qu'il a échappé. Oui, il était en visite en Tunisie. Tu sais, il a échappé une tuerie récemment. Oui. Tu te rappelles pas ? Toute cette histoire de magasin, ça a fait hurler tout le monde, etc. Et alors, bon, bah, du coup, on attendait à avoir le blaze du responsable. Et il sortait pas. Et là, finalement, France Bleu a lâché l'info, mais très tardivement, quoi. Un homme de 74 ans, né en juin 1949, a été interpellé ce jeudi matin dans l'affaire des tags antisémites sur la devanture de la sandwicherie cachère Monsieur Schnitz à Levallois-Perret, a appris France Bleu Paris auprès du parquet de Nanterre. Le suspect a été présenté à la justice dans l'après-midi pour une comparution immédiate en raison de son état de santé, indique le parquet de Nanterre, qui ajoute qu'il s'agit du propriétaire du local. Ce prothésiste dentaire à la retraite de confession juive avait été identifié par des vidéosurveillances et comparaissait ce jeudi sous assistance respiratoire. Il a répondu de manière décousue aux questions du tribunal et a invoqué de potentiels loyers impayés pour expliquer cet acte. Néanmoins, le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire au 14 décembre. Dans l'attente de son procès, il a été placé sous contrôle judiciaire et a reçu l'interdiction de paraître à Levallois-Perret, de rentrer en contact avec le gérant de la sandwicherie et de se rendre à son domicile. Le tribunal a aussi ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. Alors donc, je vous rappelle les tags écrits dessus. Voleur juif, voleur juif, voleur juif, voleur juif. Voilà. Et encore, voleur juif une fois. Voleur juif. Voilà. Monsieur Schnitz est un voleur juif, donc d'après le propriétaire juif du local. Donc c'était une embrouille entre hébreux, en fait, si vous voulez. C'est ça, c'est ça. Alors, malheureusement, la presse a fait beaucoup moins d'écho à la révélation du fait, de ce fait, qu'au fait en eux-mêmes. Si bien que beaucoup de Français en seront malheureusement restés à la première partie, c'est-à-dire que des antisémites taguent, comme durant l'occupation, les magasins juifs, hein, voilà. Oui. Mais n'auront pas su qu'en fait, l'auteur était juif lui-même. Parce que je le regrette un peu. Alors, France Bleu nous l'a fait savoir, mais à l'exception de France Bleu, peut-être ici ou là, mais pas grand-chose. Hein. Oui, et alors, c'est pas repris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre d'écho, si tu veux. La chambre d'écho qui est... Si, à l'exception de quelqu'un, oui, c'est le numéro 2 de la France Insoumise. Oui. J'ai oublié son nom. Léomar, non? Non, c'est vraiment le numéro 2, c'est celui, il est dégarni. La gueule de Clodo, là Ouais. Tu sais, il a une barre de 3 pièce, jours, un peu, là, tu vois. Ouais, c'est... C'est pas lâche, c'est pas lâche. Ah, j'ai oublié son nom. Giro, peut-être. J'ai oublié. Non. Putain. Ah bon. Ça me revient. Ça, bon, alors il tweet, il dit, haha. Tu vois, et dit ceux qui font des procès en antisémitisme, le propriétaire était de confession juive, il balance ça comme ça, un truc. Et alors effectivement, le tweet, il a été vu 300 000 fois, un truc comme ça. Putain, les réactions de la juiverie organisée, t'as les guettes, les gens, ils étaient bleus devant le tweet, quoi. Ils étaient bleus, quoi. Ils l'ont accusé d'antisémitisme? Non, ils pouvaient pas, mais... On ne pouvait pas. Enfin, bah non, mais ils disaient, vous avez vu, ceux qui instrumentalisent, etc., qui tirent des conclusions hâtives, etc., je sais plus comment il a tourné son tweet, quoi, voilà, mais sous-entendu, vous mettez toujours ça sur le compte des Arabes, quoi, en gros, c'est ça, bah vous avez vu ce qui vous en coûte, hein, voilà. Des Arabes ou de nous, parce que bon, il y a eu quand même, il y a des gens qui, j'ai vu, quand il y avait cette affaire-là, qui mettaient en parallèle les tracts. C'est Raphaël Arnaud. L'Antifa, là, le mec qui a la tête de du truc antifasciste, la jeune garde qui est liée à Mélenchon, il s'est mis à nous accuser d'être responsable de ça. Nous, on a toujours dit, il ne veut jamais commettre d'actes comme ça. Le tractage est pacifique, c'est autre chose. La dégradation des biens, c'est un truc de bougnoule, quoi. Ou de juifs. Non, mais enfin, je me souviens qu'on en parlait de cette histoire-là, et puis j'avais pressenti le... Alors, tu sentais que c'est... Toi, tu m'avais dit coup d'assurance du gars. Bon, oui, je sentais quelque chose comme ça, ouais. Je sentais plutôt quelque chose comme ça. C'est vrai que ça arrive aussi, hein. Mais... Là, c'est pas l'assurance, c'est une histoire de loyer impayé, bon, probablement. Voilà, c'est une histoire de... Voilà. Donc, ce juif s'est fait voler par un juif, donc... il indique, ok, juif voleur. Oui, bon, d'accord. Ce qui est factuel, d'ailleurs. Ce qui est factuel, quoi. Donc, je me demande comment il pourrait être poursuivi pour antisémitisme. Oui, ça peut être un peu compliqué. Non, mais oui, parce qu'effectivement, ce juif, alors déjà, il peut pas être antisémite puisqu'il est juif, et donc il a mentionné juif voleur à l'intention de son locataire qui est un juif visiblement qui ne paye pas son loyer, donc il le vole. Oui. Donc. Je dirais que son acte relève plutôt de la signalétique plutôt qu'autre chose. C'est de la signalétique, en fait. Exactement. C'est pas une agression, c'est de la signalétique. Il voulait dire, il y a un voleur juif ici. C'est ce qu'il voulait dire. C'est bon, voilà. Bon. Mais voilà, c'était intéressant. Donc là encore, un délire. Voilà. Et on nous a accusé. Non, nous. C'est comme les profanations de cimetières. Ça, c'est... C'est les juifs. C'est les juifs. Personne n'est d'assez tordu pour aller retourner des tombes. Enfin, oui, peut-être les Espagnols. Les Espagnols rouges. Ah oui, quand les tombes sont catholiques, hein, pas quand elles sont juives. Hein. Oui, bah, bien sûr. Ah, ça va sans dire. Hein, voilà. Mais je veux dire, c'est vraiment un truc juif. Et c'est connu, je veux dire, comment dirais-je, Streicher, le chef de la, du journal Der Stürmer, explique ça très bien dans ses mémoires. Comment justement, donc ça, ça c'était après la guerre, quand il était en détention, enfin il était détenu pour être jugé et condamné à mort d'ailleurs, il expliquait bien que justement cette histoire de croix gammée, parce qu'il disait qu'ils avaient des cas similaires avant la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes en Allemagne. Je l'ai déjà dit dans l'émission, mais je le répète. Et il s'était intéressé à ça. Les dirigeants du Parti National Socialiste sont intéressés à la question. Ils disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tombe? Et alors, ils avaient quand même pris sur le fait, enfin, pas eux, pas les nationaux socialistes, mais ils avaient quand même, des auteurs étaient pris sur le fait, et c'était des juifs. Et alors, Streicher avait fait un boulot là-dessus, il a dit, bon, bah, je me suis intéressé à l'affaire, et il dit, on a réussi à remonter jusqu'au 19e siècle, la deuxième moitié, je crois qu'il cite les années 1870 à peu près, 1880, dès l'apparition d'un vrai mouvement antisémite en Allemagne. Enfin, un mouvement contre-sémite, en réalité. Quand il y a eu un mouvement d'opinion hostile à la prédation juive en Allemagne, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il a commencé à s'organiser avec des journaux, une littérature, etc. Et ce discours critique a commencé à gagner en popularité. Les juifs se sont mis eux-mêmes à saccager leur cimetière pour en accuser ce qu'ils appelaient les antisémites. Streicher en parle très bien. Et comment dirais-je, je veux dire, quand ils ont pris, ils avaient aucune raison de se cacher. Si, parce que, je veux dire, ils n'hésitaient pas à les taguer, faire la signalétique eux-mêmes. Hein, je veux dire, quand ils ont pris le pouvoir, donc ils auraient très bien pu revendiquer le fait d'aller taguer les cimetières juifs. Les nationaux-socialistes ont toujours nié avoir quelque rapport que ce soit avec cette affaire. Ce n'était pas un truc de nationaux-socialistes. Les juifs font ça quand la température ils monte. Font ça, oui, ils font ça pour se victimiser, c'est pour, tout. Ils font ça à chaque fois. Oui, non, mais pas ça. C'est pour salir leurs opposants. Aussi, c'est d'une pierre deux coups. Putain, mais faut être un taré pour aller retourner des tombes. Bon, les juifs, le font eux-mêmes et puis accusent les autres de le faire. Bon, c'est un grand classique. Hein, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Hein. Puis c'est comme les types qui s'inventent des agressions. Il y en a pas mal, hein. Il suffit de regarder les fausses agressions antisémites. Il y en a beaucoup. Sur les 20 dernières années, il y en a un paquet. Je crois que d'ailleurs, le grand rabbin. À Marseille, hein, l'ancien rabbin, ouais. Oui, non, mais même le grand rabbin actuel, là, je sais pas, il me semble que, je sais pas si c'est lui ou quelqu'un de sa famille, un autre rabbin, qui avait déclaré avoir pris un coup de. S'être poignardé, bon, a priori, c'est le coup de couteau venait de lui-même. Oui, ils sont fréquents ça. Il y avait aussi une grande affaire sur les années 2000, une femme qui s'était ouverte au cutter dans le RER, qui s'était fait des étoiles de oui. David et qui avait hurlé, oui. Et on avait découvert que c'était elle. Et à l'époque, ça avait fait un énorme bazar. Sarkozy, qui était candidat à la présidentielle, était ministre de l'Intérieur, avait fait un énorme truc, rendez-vous compte, la montée de l'antisémitisme, voilà. Des juifs, des juifs qui voulaient changer d'HLM, parce que... Voilà, des juifs qui allaient taguer, qui allaient taguer leur boîte aux lettres. Voilà. Très fréquent. Donc le tractage, c'est autre chose. Le tractage, c'est démarcher politiquement, ça n'a rien à voir. C'est pas une agression le tractage. En revanche, taguer dégrader des biens privés ou ça, c'est des dégradations. On n'a jamais appelé à faire ça. On n'appelle jamais à faire ça. Ça c'est leur marque. Et d'ailleurs, je remarque que ça fait un moment que, enfin, je sais pas quand c'est la dernière fois qu'il y a un cimetière juif qui a été. Mais je pense que les juifs vont nous préparer encore un truc comme ça dans pas longtemps. Probablement. Ils vont. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ou alors autre chose, hein, je veux dire, ou d'équivalent. Ils vont nous préparer ça. Et encore là. T'as vu, l'autre, il arrive sur sa civière en plein tribunal. Bon, visiblement, il avait quand même assez la pêche pour aller taguer la nuit. Donc là, visiblement, tu sais, il a l'article de la mort. Bon, tu sais déjà qu'il a un très bon avocat juif, l'autre. Hein. Voilà. Donc, lui dit non, mais c'est une histoire de loyer, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils sont, c'était pas un coup monté pour, justement, pour faire une affaire d'antisémitisme et qu'en fait, se faisant poisser, ils disent non, mais en fait, il y avait des arriérés. On ne sait pas du tout quelles étaient leurs véritables intentions. Nous, c'est ce qu'il veut bien nous dire. C'était un voleur, c'est peut-être tout à fait possible. C'était peut-être ça, mais il y avait peut-être autre chose. Hein. Peut-être que c'était, tiens, allez, Shlomo, c'est peut-être le moment, là. Tu vois. Ah, il y a beaucoup d'antisémitisme. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, voilà, le peuple élu dans ses... ses œuvres. Alors, je veux quand même enchaîner avec la rubrique numéro 4, Wokistan. C'est le rappeur Medine qui a été accueilli triomphalement par Jean-Luc Mélenchon à son université d'été. Donc, qui est le grand raout gauchiste hein, de fin de vacances. Et alors, donc sur son compte officiel, il se met en avant en train d'accueillir Medine, donc le fameux rappeur musulman qui est connu pour ses déclarations, qui s'engage contre l'extrême droite ou je ne sais. Alors il dit, voilà, ce que dit Mélenchon, hein, c'est un plaisir de recevoir Medine donc Université d'été de la France Insoumise, hein, 2023, la victime du racisme, c'est lui, dit Jean-Luc Mélenchon, puisque Medine est accusé par la presse juive d'être antisémite, notamment après son jeu de mots sur Rachel Kahn, vous savez, la mulâtresse d'origine juive, hein, oui, oui. De la Licra, hein, vous connaissez ça, et elle est aussi dans, c'est l'équipe Enthoven, Fourès, Lévy, enfin voilà, elle est à la fois l'esclavagiste et l'esclave dans le même corps, donc ça c'est très compliqué, donc elle est à la fois juive et noire, hein, voilà, et donc c'est la carte de la Licra pour dire, vous avez vu, hein, on est les vrais antiracistes, on a des noirs avec nous. Non, mais non, il faut du sang juif, sinon ça ne marche pas. Et alors, il avait appelé Rescanpe, tu vois, faisant un jeu de mots avec son nom Khan, ça, bon, bref, ça a tergiversé. Et Mélenchon a refusé de lâcher ça. Alors, Marie Calter s'est emportée avec une très grande photo de devinez quoi, du portail d'entrée d'Auschwitz. C'est bon, toujours, bah oui, c'est bon. Très grande photo sur Twitter, là, voilà. Alors, il dit ceci. Je hais la haine. Je sais pas comment il fait pour... Tu vois, rien que ça, tu vois, ça me met de mauvaise humeur, tu vois. Je hais la haine. Bon. Je hais ceux qui la propagent sur les réseaux sociaux ou sur les ondes. Tu vois, j'aimerais bien parler avec son accent polonais de merde, là. Alors, le rappeur Medine est l'un de ceux-là. Quand il parle du commerce de l'Holocauste, il vise tous les survivants du nazisme. Honte à lui, honte à ceux qui le soutiennent. Donc évidemment, la France insoumise qu'on a sommé de décommander de ses universités Medine. Et Mélenchon a refusé. L'Humanité, le journal L'Humanité communiste, a titré en une, en mettant la tête de Medine avec son énorme barbe islamique, je cite, donc en légende sous sa photo, en une, hein, je combats l'antisémitisme. Sous-entendu, Medine combat l'antisémitisme. La Licra réagit. Cette misérable opération de sauvetage du soldat Medine est pétrie d'opportunisme, pardon, politique et d'arrière-pensée idéologique. La une honteuse de l'Humanité insulte les victimes de l'antisémitisme autant qu'elle méprise les vrais acteurs de la lutte contre ce fléau. Donc là, c'est le ton employé contre le journal du Parti communiste est extrêmement dur. De mémoire, je ne crois pas d'ailleurs que la Licra ait jamais attaqué aussi frontalement le journal L'Humanité. Alors Jean-Luc Mélenchon, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris la parole lors de ses universités d'été, en tribune, et il était déchaîné. « Medine est notre ami », dit-il. « Ces derniers jours, des commentateurs ont voulu lui faire dire tout et son contraire. La première réaction doit être de déterminer s'il y a un problème ou non. Au cas précis, il n'y en a pas », réagit donc Mélenchon, sauf pour Sandrine Rousseau, qui a marqué le territoire parce qu'elle, elle a dit, parce qu'il avait été, Medine avait été préalablement invité aux universités d'été de Europe Écologie Les Verts, par Tondelier, qui est une gauchiste notoire. Hein. Et Rousseau s'est démarquée, elle a dit, à propos donc, du jeu de mots de Medine au sujet de Rachel Kahn, son tweet est antisémite. Alors c'est très mal passé à la France insoumise, puisque Rousseau a été invité aussi en tant que Medine, et elle s'est fait siffler. Hein. Et elle a dit, si ça continue, je m'en vais, je rentre chez moi. Donc c'est vous dire. Hein. Donc c'est y a une vraie tension sur on est avec qui exactement ? Qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis ? Et on voit que Sandrine Rousseau a peur des Juifs. Hein, elle a peur des Juifs. Beaucoup plus peur des Juifs que des musulmans, par exemple. Là. Et voilà, Mélenchon, lui, il joue à fond la carte, lui, islamique. Alors, le cas Mélenchon, ça, c'est marrant, on en parle depuis quand même un bon moment. Qu'est-ce que tu en penses du fait qu'il ne soit pas dégonflé ? Qu'il est complètement dit, ouais, non, mais c'est notre pote, c'est notre allié, il vient chez nous, il l'accueille personnellement, les bras ouverts, il se met en scène. Du fait qu'il refuse absolument de céder au chantage des Juifs. Comment tu vois ça ? Bah, oui, il y a une polarisation qui se fait sur la question juive. Hein, avec, est-ce qu'on oui, on soutient. On est dans l'intersectionnalité des juifs, des arabes, des noirs, des PD, etc. Oui, ça marche un moment, ces histoires-là, si tu veux. Il peut pas... Il y a des réalités qui font que les arabes n'aiment pas les juifs. Hein. C'est un fait. Et les arabes... ont du mal avec les politiques qui se disent être de leur camp et qui font la renta pour les juifs. Donc c'est d'où la disparition du PS. Oui, oui. D'où la disparition. Voilà, ce truc-là, bon, c'est Manuel Valls. Quoi, voilà, bon, truc, bah mec, oui, ouais, en gros, c'est ça, oui, effectivement. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Manuel Valls le PS est tellement associé à ce courant-là, Julien Drey, les Juifs, etc. Quand même, bon, l'autre, l'espèce de Vietnamien là, qui a tête de lesbienne. Olivier Faure. Sans charisme, oui, bon. Il est à la tête d'une coque vide, quoi. Ce truc-là n'a plus de... Enfin, en tout cas, en ce qui concerne les Arabes, ça reste certainement un parti bourgeois pour les fils de pute de Parisiens. Parisienne de gauche, quoi, hein, j'entends. Ça marche à l'UNEF, quoi, voilà. En gros, ça doit se limiter à quelques blancs de l'UNEF. Voilà, il n'y a pas de dynamique démographique derrière. La dynamique démographique, Mélenchon l'a comprise. Oui. Il l'embrasse. Il l'embrasse, oui. Voilà. Ah oui, la Rousseau, elle est dans le... C'est une femme blanche. Quoi. Ouais, mais elle est élue à Paris aussi, donc tu vois, et intramuros. Elle est élue à Paris aussi. Intramuros, donc... Voilà, donc il y a Il y a aussi une réalité démographique. Réalité démographique aussi. Hein, mais non, mais pas que, non, mais la femme blanche... Oui. Bon, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de principe de non-contradiction. Les Juifs, voilà, elle, c'est bon. Son truc, c'est faire chier les hommes blancs. Les Juifs font chier les hommes blancs, objectivement. Donc, bon, il n'y a pas d'intérêt à... Enfin, l'antisémitisme, pour elle, c'est quelque chose qui est important. Les Arabes sont, quelque part, Médine, peut-être même, est vu comme un parti... un méchant patriarcat, un méchant patriarcal, parce que musulman, même si il est gentil parce qu'il est marron. Si tu veux, il y a une ambiguïté par rapport aux gens marrons hein, chez les féministes. Hein. Oui. Même si intersectionnalité, etc. Bon, la Rousseau, c'est d'où vient son pouvoir. Quand même, hein, voilà. Oui, oui. Que Mélenchon, lui est dans une vue de conquête. Donc, conquête, il a besoin de... Il a besoin de troupes, simplement. Hein. De voix, il a besoin d'avoir, comment dire, de faire fructifier son terreau, faire fructifier son terreau démographique, son électorat sur un terreau démographique qui a des codes. Et parmi ces codes-là, il y a le fait que les Juifs, c'est pas la tasse de thé, quoi. C'est une chose qu'on aime beaucoup, quoi. Alors moi, ce qui me faisait rire, alors Oui, alors moi je veux quand même m'arrêter sur ce point-là, effectivement, pour bien vraiment tirer au clair, parce que on voit que en fait Mélenchon, bon, d'abord il a une stratégie, donc c'est un stratège Mélenchon, il est fidèle à sa stratégie marche, et on l'a vu en 2022, puisqu'il a réussi à faire voter les Arabes, ce qui était quand même difficile. Donc il a quand même fait voter les Arabes, donc elle paye, et je crois que c'est ce qui assoit beaucoup son influence sur la France insoumise. Je veux dire, ils soutiennent vraiment cette idée, oui, il faut absolument s'appuyer sur les banlieues immigrées à majorité musulmane, il n'y a pas d'alternative. Et ça n'allait pas de soi, c'est à l'origine de nombreuses tensions, frictions avec la gauche bourgeoise que tu as décrite, etc. Mais il a la dynamique démographique pour lui, il l'assume. Mais il est plus ambivalent parce qu'il ne va pas dire « je suis antisémite ». Non. Non. Donc, il dit « oui, non, mais attendez, c'est des procès d'intention, c'est pas vrai, il n'est pas… » Donc, il nie les évidences, il fait semblant de ne pas comprendre. Généralement, d'ailleurs, même il botte en touche et ensuite, il accuse les autres. En fait, donc, il a fait à la juive, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est inversion accusatoire. Oui. C'est-à-dire que tu le prends sur le fait, en fait, il hurle et il te traite de ce qu'il est en train de faire. Il t'accuse de ce qu'il est en train de faire, etc. Donc, mais c'est efficace, ça marche. Mais il faut être au clair, Médine est un rappeur islamiste. Alors après, quelle est sa pratique religieuse personnelle? J'en sais strictement rien. Mais ses amitiés, il ne peut pas ne pas savoir à qui il s'adresse, ce sont des gens qui sont proches des frères musulmans. Bon, les frères musulmans, soyons sérieux 5 minutes, les frères musulmans sont anti-juifs. Il ne faut pas se poser la question, c'est pas peut-être que c'est un malentendu. Non, non, non, les frères musulmans sont une organisation qui a un siècle maintenant et qui est radicalement antisioniste, vraiment radicalement antisioniste, donc anti-israélienne, je précise, et qui consomme allègrement les discours d'hostilité envers les juifs, et ils savent aussi parfaitement que l'Occident démocratique est contrôlé par les juifs, ils le savent, d'accord ? Si vous prenez un frère musulman de base, j'allais dire, c'est un des fondements de la doctrine politique des frères musulmans, d'accord ? Bon, ils vont peut-être pas en faire état en public, mais ils le savent tous. Amar al-Asfar, leur boss, il y a des vidéos d'archives, vous le voyez parler, il est très clair là-dessus, je veux dire, hein, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Médine, c'est très bien avec qui il parle. Donc oui, il est évidemment anti-sioniste, anti-israélien. Il a les mêmes convictions sur qui mène le bal en Occident, il ne faut pas se tromper. Ils vont dire aussi, parce que ça c'est très clair, que l'hostilité entretenue par les médias contre l'islam et contre les musulmans, ce qu'ils appellent l'islamophobie, est d'abord et avant tout une réalité juive, c'est-à-dire que ce sont les juifs qui incitent à la haine contre les musulmans. Ça c'est leur voilà, et pour eux Zemmour c'est parfaitement l'incarnation de ça, voilà, ils en sont complètement convaincus, voilà. Donc faut évidemment, Mélenchon sait parfaitement ce que sont les frères musulmans, il sait parfaitement qui est Médine. Mélenchon n'est pas stupide au point de ne pas savoir avec qui non plus il discute, voilà, simplement c'est un retour de service mutuel. Et évidemment, les juifs en sont conscients, d'où les réactions de la LICRA, et la LICRA et le CRIF constatent en fait que le cordon sanitaire qu'ils ont décrété contre Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ce qui a fonctionné contre le Front National de Jean-Marie Le Pen ne fonctionne pas aujourd'hui contre la France insoumise. Je ne dis pas Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen est à genoux devant les juifs. Donc, il n'y a pas de cordon sanitaire. Bon, la LICRA lui crache quand même dessus, mais je veux dire, il manque un boxeur, quoi. Je veux dire, la LICRA aimerait bien taper fort sur Marine Le Pen, mais il n'y a rien à boxer, puisque Marine Le Pen est à genoux devant les Juifs. Elle n'a qu'une envie, elle ne brûle que d'une chose, c'est de faire les volontés des Juifs. Donc, il n'y a pas de sujet. Et les Juifs le savent aussi, parce qu'ils savent très bien la réalité démographique de la France, notamment dans ces zones-là. Donc, ils savent très bien qu'il y a de moins en moins de Blancs, de plus en plus de basanés, de plus en plus de musulmans, et que c'est tous ces musulmans, ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'ils n'aiment pas tellement l'État d'Israël, et ils n'aiment pas tellement les Juifs. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont même pas non plus la même énergie pour boxer contre Marine Le Pen, parce que finalement, c'est assez peu intéressant. Voilà. Donc voilà, alors le problème, c'est que les uns et les autres ne disent pas vraiment les choses de manière tout à fait claire, Il y a beaucoup d'idées, enfin d'arrière-pensées derrière les prises de position, etc., des uns et des autres. Et voilà, et donc sur l'inquiétude du pouvoir constitué juif, ben on constitue ou pas des carrières, parce que maintenant on peut en constituer une contre le pouvoir établi juif, donc c'est ce que fait Mélenchon, son courant politique, etc. Donc ça c'est très clair, maintenant il assume complètement, voilà. Ça marche, on voit les écologistes aller là-dedans, donc comme Tondelier et compagnie, pas de problème, on y va à fond, on soutient. Et à l'inverse, vous avez ceux qui vont dire, ben, qui va être le meilleur défenseur des juifs? Et là, dans les partis établis, il y a une concurrence, quoi. Et Darmanin, visiblement, il est candidat en 2027. Il s'est dit, bah voilà, j'ai un créneau à utiliser, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Et je pense qu'il va emprunter un peu le chemin de Valls. Il va essayer d'être devenir le héros des juifs, en fait. Il va essayer de devenir le héros des juifs parce qu'il va dire, bah c'est un réseau. Ils sont influents, voilà, c'est une excellente carte à jouer, j'ai aucun risque médiatique là-dessus, etc., ça mange pas de pain, voilà. Donc c'est intéressant, vous voyez, bon, voilà. Et donc, bon, la recomposition du paysage politique français se poursuit, mais bon, on voit bien que les Juifs, c'est quand même mal barré pour eux, hein. En France, c'est quand même vachement mal barré pour eux. Oui, oui, c'est... Ça sent... Il y a beaucoup... Enfin... Les langues se délient, quoi, hein, beaucoup. Oui, oui, oui, bah, tout à fait. Oui, je suis surpris de parfois d'entendre des trucs. Ah ouais, t'as ouais, c'est vrai. Ah, ah oui, oui, oui. C'est... Bah, c'est pas plus mal, hein. Je veux dire, bon, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Enfin bon, voilà. Mélenchon poursuit sa truc. Alors donc, je voyais, bon, alors évidemment, en miroir, vous avez ceux qui croient judicieux de s'acharner contre Médine, parce qu'en fait, c'est complètement con, ça. Médine était, il cartonnait plus vraiment. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'il fait de la politique maintenant, enfin de la politique entre guillemets. C'est parce qu'en fait, au plan musical, ça marchait plus trop. Bon, il a maintenant, je crois, une cinquantaine. Donc, s'il n'a pas 50 ans, il en approche. Donc, il se dit, bon, allez, je me recycle, quoi. Et il y a des gens comme Damien Rieu qui lui font une deuxième jeunesse, en fait. Parce qu'il s'acharne contre lui, à dire au secours, danger, etc. Alors, bon, Médine, vous ne direz pas. Mais ce qui donne à Médine une crédibilité, parce qu'ensuite toutes les organisations de gauche veulent l'inviter, comme Zemmour et Rieu et quelques autres tapent sur Médine. L'autre il dit, vous avez vu, hein, je suis quand même crédible. Ça, bah, dit, ah ouais, bah, viens chez nous, etc. Et voilà ce qui est hallucinant, alors que le mec en lui-même il était pas spécialement influent, il était pas spécialement influent, mais bon. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'ils ont eux aussi, enfin, je veux dire, le mouvement de Zemmour, comme Darmanin, ils s'accrochent au basque des Juifs, quoi, hein, dans l'espoir de, quoi. C'est assez intéressant tout ça. Enfin voilà, en passant comme ça sur ce sujet. Rubrique numéro 5, on va aller faire un petit tour en Italie où une anecdote intéressante a émergé, c'est l'agence ANSA qui le cite, l'agence italienne d'information, hein. La première ministre Giorgia Meloni a terminé ses vacances dans les Pouilles en quittant la Masseria de Seglie Massapica, où elle a passé les deux dernières semaines avec sa famille. La première ministre, sauf nouveau changement de son emploi du temps, rentre à Rome. Parmi les rares photos de la première ministre en ce jour férié placée sous le signe de la confidentialité, on trouve celle prise avec les employés d'une pâtisserie de Seglie Massapica, où Madame Meloni s'est arrêtée vers midi avant de repartir. Elle y a dégusté un café glacé, pris quelques pâtisseries aux amandes et reçu un gâteau en cadeau de la part de la pâtisserie. S'arrêtant également pour discuter avec le personnel et les clients, elle était très sereine avec sa famille, explique un barista d'Alter Gusto, et s'est prêtée au jeu des photos avec nous et quelques clients. Un jeune demandeur d'asile a également voulu prendre une photo avec Giorgia Meloni lorsque la Première ministre a visité la pâtisserie. Mosharab Matoubar, 18 ans, souriant sur le selfie avec la Première ministre, comme l'explique la pâtisserie, travaille depuis quelques mois dans la pâtisserie et vit dans un centre d'accueil de la localité de la vallée d'Itria. Et effectivement, on voit une belle photo avec Meloni, toute sourire, mais enjouée, hein, rayonnante, aux côtés du je sais pas d'où il vient, du Pakistan, je ne sais pas, mais de Mosharab. Mosharab, donc qui bosse pour les boomers italiens. Alors l'Italie, c'est tous les records. Je crois qu'hier, ils ont enregistré la venue 3000 migrants. En une journée, ça ? En une journée, ouais. 3 000, pas mal quand même, Lampedusa. Et c'est depuis le début de l'année, par voie de mer, plus de 100 000 migrants clandestins au total. Qui se sont... Alors l'année n'est pas terminée, hein, mais arrivé au mois d'août, en 8 mois, 100 000, c'est un record absolu. Hein, c'est un record absolu. Alors rappelons que Giorgia Meloni s'était fait élire sur une plateforme électorale radicalement anti-immigration. Elle avait dit, hein, voilà, avec moi, on va voir ce qu'on va voir. Terminer les pompes aspirantes, terminer l'immigration clandestine, c'est terminé. Alors ça continue à fond, ça a même jamais autant continué. Et à ça, je l'avais dit dans l'émission, bien entendu, elle a ajouté un programme jusqu'en 2025 d'importation, de légalisation en fait, de migrants directement importés depuis des pays d'Afrique, évalué à approximativement, d'après son gouvernement, 500 000 unités supplémentaires. Voilà. Donc en fait, vous avez l'immigration légale à fond, 500 000, et vous avez l'immigration clandestine à fond, 100 000 aussi, et en prime quand même. Un petit selfie sympa pendant que Georgia mange une petite pâtisserie quand même avec les clandos qui la servent. Elle est bouffie, hein, elle est très bouffie. Oui, oui, oui. Elle a des poches sous les yeux qui feraient rougir Marine Le Pen. Oui, oui, oui. Je pense que c'est une femme qui aime beaucoup la bulle. Je pense que c'est une femme de mauvaise vie. Oui. Bah, de toute façon, t'as pas remarqué qu'elle a pas les yeux toujours un peu abîmés comme un alcoolique? Oui, c'est qui, tu sais, qui luise un peu bizarrement, tu sais pas comment dire. Oui, oui, oui. Un peu vitreux, quoi, tu vois ce que je veux dire? Vitreux, puis là, voilà, les poches, là, elle est... Ouais. Elle a pas dormi, quoi, hein. Elle a pas dormi, quoi. Oui. Elle a pas dormi à jeun aussi, je veux dire. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Ouais. Alors, moi, je rappelle quand même, parce que dès le départ, nous, on a vomi sur Madame Meloni avant même qu'elle soit élue, je rappelle. Que ne nous a-t-on pas dit? Ah bah oui. Oh là là, l'Union latine. L'Union latine. Ah, je l'avais pas entendu ça. Ah non, mais les nationalistes français. Ça y est. On y va. L'Espagne, l'Italie, la France. Voilà. Contre les Boches, peut-être. On va faire cracher les Boches. Ouais. Ah, c'était... Non, mais je me rappelle, ils étaient déchaînés lors de ces élections. Ils en avaient fait une espèce de voilà. Et alors nous, pas du tout. Parce qu'on avait rappelé un fait qui était complètement passé inaperçu. Vous pouvez vous en référer sur le site. Hein. Vous y référez en consultant le site. C'est qu'en 2009, lorsqu'elle était ministre de Berlusconi, bon déjà, elle avait visité, comment dirais-je, Yad Vashem. Et elle s'était engagée à lutter contre le retour de la bête immonde et contre le racisme et l'antisémitisme. Et ça, si vous voulez, quand il y a un politicien qui va à Yad Vashem, c'est pour la vie, d'accord ? C'est pour la vie. C'est un pacte avec le diable. Quand vous allez à Yad Vashem, vous nouez un pacte avec le démon, d'ailleurs dans son antre. Hein, d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder, c'est une grotte. C'est une grotte. C'est une grotte. Avec des feux, c'est démoniaque. C'est une grotte, hein. Et alors, elle était là-bas en 2009. Alors, bon, personne n'avait trop remarqué, mais nous sommes observateurs et nous avons dit, ah, bon, 2009 déjà, ça remonte, hein. Donc, non, ça sera le cirque. Voilà, bon, alors évidemment, on était passé encore une fois pour les défaitistes, les empêcheurs de tourner en rond, les gâcheurs de fête, tu vois, les pourrisseurs d'ambiance. Bah oui. Voilà, hein, voilà. Bon, et à force, oui. Pareil avec Zemmour, hein, si tu t'en rappelles, hein. Oui. On n'avait pas appelé à voter Zemmour et ça nous avait valu beaucoup de d'antipathie. On a dit ils sont là, les antisémites obsessionnels, le truc. Bon, voilà. bref, voilà. Et puis ensuite, parce qu'il avait déjà, je vous rappelle, il était parce que si on suivait la droite nationaliste sur Twitter, je précise. Éric Zemmour avait gagné l'élection, c'était fait. Oui, déjà. Oui, il avait déjà gagné. Et puis, parce qu'il ne s'appelait pas Le Pen. Et oui. Donc, en gros, et qu'il était juif et donc il avait une immunité naturelle, voilà, en fait. Quand il avait. Ouais. Et on a bien vu ce que ça a donné, hein, je veux dire, voilà. Donc, bon, il est décontracté toujours, hein, il s'en fout, hein, complètement. Et voilà, et avec Mélanie, bon, on arrive, donc voilà, ça n'allait pas. Bon, là, après un an, ça fait un an déjà qu'elle est au pouvoir, Mélanie, je sais même plus, tiens, quand elle a été élue, je crois, sensiblement, hein, comme ça. Le temps passe vite, en fait, on ne se rend pas compte. Oui. Voilà, et voilà, et donc là, c'est, bah, là, c'est, en fait, c'est, en fait, valait mieux rester sous Mario Draghi, c'était mieux, en fait. Donc, sous le banquier de Goldman Sachs, il y avait moins de bougnoules à rentrer. C'est aussi bizarre que ça paraisse. Pas du tout de son fait, d'ailleurs, mais simplement, il était moins bon pour faire venir des bougnoules que Mélanie. Voilà. Donc, bon. Bah, les mecs voient une flamme blanche et disent, OK, très, très sincèrement, que c'est un signal à l'étranger. Tu as un pays qui est dirigé par une flamme blanche, et les mecs se disent, putain, mais, ah ouais bon, voilà, on va rentrer comme dans du beurre. Effectivement, on rentre comme dans du beurre. Ah bah oui. La femme en question mette des tourelles avec des mitrailleuses, oui. Bon. Mais sinon, non, ça marche pas. Bah, je me demande pourquoi il y a une marine italienne, ça sert à quoi d'avoir une marine italienne? Je comprends pas, en fait, c'est exactement le truc, là. Pourquoi ils ont une marine? Pour... oui, peut-être pour vendre... Oui, pour vendre des montres. Des montres de plongée. Ouais. Alors au départ, quand je me rappelle, alors, il y avait une explication. Non, mais Mélanie met en place une stratégie au niveau de l'Union européenne, ça prend du temps. Ouais. Ils vont former une coalition au niveau du Parlement et ils vont faire passer des nouvelles lois, etc. Et on va arrêter parce que vous comprenez, ces ONG sont protégées, etc. Et en fait, bah, le temps qu'elle mette en place sa fameuse coalition dont on n'a jamais vu la couleur, bah, Soros, il a fermé boutique, il est parti ailleurs, tu vois. Et la pompe aspirante tourne à bloc, quoi. Voilà. Bon, bien. Mais ouais, bouffe des pâtisseries, c'est cool. Voilà. Bon, c'est là. Mais je sais pas pourquoi, mais les politiciens italiens, c'est un peu comme Salvini. Salvini avait beaucoup ressentait un très fort besoin de prendre des photos avec des nègres. J'avais remarqué ça aussi. Oui, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait... Oui, mais... ça lui a desservi, parce que bon, ça... Ah bah là, ils sont à 10, là, les gars, 10%. Ils étaient à 35 à un moment donné, hein, je veux dire... Ouais. Ils sont à 10. Bon, alors, je note, alors vous allez me dire, mais c'est, bah, elle doit s'effondrer dans les sondages. Eh non, bah non. Ah bah non. Non, parce qu'elle dit juste, on va contrôler l'immigration, etc., un peu comme Macron, quoi. Et ça suffit. Ça suffit, hein. Les boomers italiens sont contents, hein. Ils disent génial, super, cool. De toute façon, elle a expliqué, hein, on a besoin d'immigrer. Voilà. On en a besoin. Restaurants, ils disaient bien, restaurants. Voilà. Il me semble qu'il y a quelques semaines, quelques mois, Damien Rayeux avait fait un post sur les réseaux sociaux pour justifier qu'effectivement, en Italie, il y avait besoin d'immigrer. Ouais, elle avait dit voilà, en attendant de relancer la truc, etc. On va faire un truc, vous allez voir. Ouais, et il avait dit Daniel ça. Daniel Rayeux était venu, oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, il faut. Ah, d'accord. Okay. Oui, je rappelais, consulter Twitter, c'est très très vieux de le faire observer, hein, Derek. Oui, il avait dit en toutes lettres. Ouais. L'Italie a besoin d'immigration. Ouais. Et en fait, imaginez que ce type-là arrive au pouvoir, enfin, avec quelques responsabilités, il fera la même chose. Hein. Oui, mais alors, oui, bon, là, quand même, ouais, pour certains secteurs stratégiques, tu vois. Ah oui, parce que la France, ouais, machin, ouais. La restauration, le restaurateur, il faut qu'il vive, bon, le petit commerce. Ouais, ah oui. Voilà, sous le, voilà, je le sens gros comme une maison, le truc. Hein, ouais. La consistance de ces gens est assez... Voilà, bah, c'est un peu comme leur maître, hein, un peu comme il est leur comme un juif, il est gluant. Ah, tu l'attrapes, il coule. En fait, c'était parce qu'ils étaient, ils prétendaient être alliés à Mélanie en Europe, où ils la courtisaient, etc. Ouais. Machin. Donc en fait, ils la défendaient, mais enfin, c'est des accords de boutique. C'est la politique à papy, tu vois. C'est grotesque. C'est grotesque. Enfin voilà quoi, donc voilà où on en est. Bah du coup ça donne envie, hein, tout ça, ça donne envie. Avant de se séparer brièvement pour parler des États-Unis, de l'arrestation de Donald Trump, bon bref, hein, il n'a pas été placé en détention, et de la photo qu'on a prise de lui, vous savez, ce qu'on appelle un mugshot en anglais, donc une photos hein, classiques de personnes interpellées. Donc, bon, le Parti démocrate, Biden, bon, ils sont désespérés, hein, c'est un fait, parce que, bon, Trump, en fait, survole complètement les primaires des républicains, donc, en fait, il va être le candidat du Parti républicain, sauf événement inattendu, mais bon, il survole dans les sondages tous ses opposants. Il se passe même des débats, c'est-à-dire qu'il dit non, mais moi j'ai pas envie de débattre, ça sert à rien et tout, voilà, je suis le premier dans les sondages, etc., j'ai pas de preuves à faire. Bon, voilà. Donc il y a des primaires, mais sans le principal intéressé. Donc voilà, la machine judiciaire est lancée, évidemment, pour essayer de nuire à son image. Et ça fonctionne pas vraiment. Derek, qu'est-ce que tu dis de ça, de cette opération là, de neutralisation judiciaire de Trump quoi, comme candidat quoi. Alors neutralisation. Avant ça, il y a la stratégie de Trump de boycotter la primaire quoi, hein, les gens qui se présentent contre le candidat naturel qu'il est pour le coup. Ce qui a été fait cette semaine avant cette inculpation, c'était au même moment où le débat avait lieu sur Fox News, qui d'ailleurs verrouillait tous les restreams, etc. Donc pour avoir des extraits du débat, c'était assez difficile sur Internet, sur les réseaux sociaux. Au même moment, il faisait diffuser une interview. Oui, avec Carlson. Voilà, Tucker Carlson diffusait une interview de lui et avec des chiffres, bon, de comment dire. Voilà, quand la dernière fois que j'ai remarqué, d'audience, il était avec des chiffres d'audience de plusieurs centaines de millions. Ouais. C'est-à-dire des trucs de plus regardés que le Super Bowl aux États-Unis. C'est-à-dire, bon, ça fait un carton absolument. Énorme. Historique, en fait c'est historique, il n'y a pas de précédent. Ah, c'est historique, c'est peut-être l'un des postes les plus vus, en tout cas au niveau politique, quelque chose. Bon, j'ai pas trop suivi ça, mais oui, c'est au niveau dans le laps de temps dans lequel c'est arrivé, c'était assez énorme. Et deux jours après, déjà. Allez, on va un petit truc sur les primaires aussi. Ouais. Beaucoup de néocons. Il y a, à part le type là, effectivement, l'Indien là, qui fait du Trump sans Trump. Alors bon, est-ce que quel est son vœu à lui? C'est un petit peu bon. On ne sait pas trop. Bon, bah, effectivement. On voit bien que c'est un faisant enjuivé. Hein. Lui, ça se voit tout de suite. Je sais pas s'il est enjuvé ou si c'est pour autre chose, mais bon. Si, c'est-à-dire qu'en fait, il surfe sur le populisme, en fait, mais c'est juste pour pouvoir avoir un ticket d'entrée. Une fois qu'il est dans la machine, le mec, il négocie. Ils sont tous comme ça. Mais l'arrivée des Indiens dans le Parti républicain, c'est assez marrant à observer, effectivement. Il y a Nikki Haley. C'est un pseudonyme. Ouais, c'est un pseudo. Ouais. Elle vénère des vaches. Ouais. Non, mais je rappelle. Ouais, donc tu avais ces deux Indiens qui s'écharpaient, et l'autre, l'Indienne d'ailleurs a sorti une phrase comme quoi c'est pas Israël qui avait besoin des États-Unis, c'est les États-Unis qui avaient besoin d'Israël. Ouais. Elle était en train de le hurler dans le micro d'ailleurs. Ah oui, c'est l'Indien lui a des positions assez raisonnées sur tout ce qui est politique extérieur des États-Unis. Les autres, Mike Pence, il y a eu des bons mots hein, sur Mike Pence qui allait faire un pèlerinage auprès du pape Zelensky à Kiev. C'était bien senti, quoi. C'est-à-dire que tu écoutes les vieux là qui te ressortent des phrases de Reagan toutes faites. Ça sent le camp, quoi. Hein. il te ressort des phrases des phrases toutes faites et c'est la guerre en Ukraine, il faut mettre du pognon, escalade, position progressiste, néoconservatrice. Voilà, donc beaucoup de ça, et finalement, bon, tous font un flop, parce que dans les sondages de sans que en valeur absolue déjà de Trump est au-delà de 50% seul. Voilà. Donc tous les autres, le deuxième, il a 210, là, il a entre 10 et 13%. Donc c'est bon. Donc autant dire que c'est plié. À part effectivement événements imprévus, hein, on peut toujours être. Oui. Toujours des surprises. Hein. Bon, ça, voilà, ça c'était la partie le shitstorm et Tucker Trump qui boycotte l'establishment du parti républicain et Fox News qui met une bonne douille à Fox News aussi. Hein. Parce qu'ils ont fait des audiences de merde hein, pour le coup. Bah, c'est normal. Hein. De toute façon, je veux dire, même Trump, j'ai écouté ce que disait Carlson, Trump tire à boulet rouge sur Fox News hein, maintenant. Ah oui, il tire à boulet rouge. Oui, et puis bon, Tucker n'en pense pas moins. Quoi. Bah, il le disait, il en parlait justement. Ouais, bah, vous êtes viré de Fox News. Enfin, voilà, ils en ont quand même parlé, etc. Bon. Pas de parler. Hein. Et pour Tucker, c'est quand même une grosse revanche, parce que maintenant, il a encore plus d'audience qu'il en avait quand il était sur Fox News. C'est ça, ouais. Et puis, il peut dire ce qu'il veut, parce que bon, il était quand même. Ouais. Voilà, hein. Était prêt après donc il a pris sa liberté. C'est vrai que là il se lâche quoi. Il y a une interview de à propos de la guerre en Ukraine du colonel McGregor, hein, Douglas McGregor que si vous ne l'avez pas écouté je vous invite à y aller, c'est intéressant. Mais bon, voilà, bon, ça c'est la partie. Voilà, d'accord. Alors ensuite, l'arrestation. La partie. Voilà, bon, partie arrestation, là aussi. Bon, la photo est elle-même, quoi. Trump. Ouais, je dois dire. Ouais. Parce que quel âge il a quand même, c'est un type qui avait 76, 77. C'est le type à l'énergie, quoi. Ouais, impressionnant. Mec, 76 ans. Bon, déjà, il est toujours au taquet hein, pour être dans la course à la présidence, pour revenir à la Maison Blanche. Et là la photo de prise par les filles. Oui. Le regard menaçant. Oui. Voilà, il y a des articles hein, des journaux CNN et même d'autres journaux ils disent ce qui devait être quelque chose, une remise le mettre enfin voilà, en gros, le coucou chepanier, quoi, en gros, hein, c'était ce qu'il prévoyait. Ouais, l'humiliation, quoi. Hein, en fait, voilà. ça se trans... L'humiliation se transforme en menace. Donc là, si tu veux, c'est un petit peu la panique. Quoi, hein. Alors, non, mais imagine dans le ghetto. Oui, j'ai vu des nègres qui sont là, putain, non, mais excuse-moi, mais dans le monde du crime, etc., un président qui a un mugshot, Et puis avec cette tête là quoi. Ouais ouais là, les mecs sont là ouais non mais ça c'est. C'est pas alors, le truc je suis triste etc. Non c'est. Oui. J'étais assez étonné de voir que lorsque sa voiture circulait là juste parce que c'était ils avaient bien choisi le truc parce qu'en fait c'était là où ça se passait enfin la ville où ça se passait était intégralement noire. Hein. Donc la police est noire, tout le monde est noir là-dedans, et ils se disaient, bon, ouais, c'est sûr, et tout, c'est démocrate, c'est noir, et tout. Et quand ils passaient dans les faubourgs, t'avais des haies de nègres en mode « Trump !» Mais des nègres du ghetto, hein, des négresses du ghetto, tu sais, comme elles sont, quoi, comme les Chanika, tu vois ce que c'est. Mais c'était là, ils étaient déchaînés, en fait. Ils voulaient qu'une chose, c'est qu'ils s'arrêtent prendre des photos, quoi. C'était impressionnant. Et même les mecs, tu vois, ils étaient quand même les mecs à droite, ils étaient bluffés. Ils disaient, là, putain, si même le ghetto nègre tripe sur un mec comme Trump, il y a un truc qui se passe, quoi. Et alors, je sais pas que je dis, ouais, il faut se faire bien voir, etc., mais je veux dire, ça laisse quand même sentir que, à travers tout le pays, il y a une grosse colère. Il y a une énergie, il y a une colère. Voilà, et qui traverse à peu près tous les segments de la population, enfin, à l'exception, sauf du cœur économique et politique, mais en dehors de ça, dans, vraiment dans les masses populaires, indépendamment de l'origine raciale, il y a quelque chose qui se passe, qui boule. Et peut-être plus qu'en 2016. Et là, je pense que les autres... c'est un problème, parce que normalement, ce mugshot, là, cette photo, est censé le plomber dans l'électorat du centre, l'électorat centriste, c'est-à-dire l'électorat modéré. Voilà, putain, on va quand même pas élire un mec qui se fait photographier comme un criminel. Non, soyons sérieux. Et ça devient... Si, ça veut dire qu'il est le tampon qu'il est vraiment contre le système. Et là, moi, je pense que là, les démocrates, ils ont fait l'erreur de leur vie, quoi. Et puis continue. Enfin, il y a ce truc-là. Je veux souligner un truc. Je veux dire, le coup de génie quand même, parce qu'il faut lire au plan de la com, il est quand même fort. C'est-à-dire qu'il était absent de Twitter, il est revenu sur Twitter juste pour ça, pour mettre en premier sa photo lui-même sur son compte, avec l'adresse de son DonaldJTrump.com. Ouais, .com, never surrender. Never surrender. Et donc, il a marqué election interference. Et là, t'as des gauchistes qui ont dit, non, mais quand il dit election interference, c'est une menace qui va interférer dans l'élection. Ça, c'était génial, quoi. Sous-entendu, il va vraiment faire un coup d'État, quoi. Alors, j'ai trouvé ça génial. Donc, voilà, bon. Je veux dire, moi, on a vu ce que ça donnait entre 2016 et 2020. On a vu qu'il était empêtré et que le truc, bon, qu'on pouvait pas y arriver. Je veux dire, même quand il voulait faire des trucs, ça marchait pas. Que de toute façon, il y avait Kouchner, son gendre juif, qui à chaque fois le retenait par la manche. Non, faut pas faire ça comme ça. Il disait, bon, vous voyez que c'est bon. Mais là où il est le mieux, en fait, c'est pas quand il est à la Maison Blanche. C'est quand il est candidat à la Maison Blanche et qu'il fait paniquer tout le monde. Là, ça, c'est marrant. Là, c'est drôle. Et on est là-dedans, quoi. Et là, pour le coup, je crois que ça se reproduit. Sauf que comme ils l'ont maintenant, le truc, parce qu'en 2015-2016, ils disaient, ok, mais c'est un mec d'extrême droite, il est raciste. Bon, ok, donc en gros, c'est un fasciste. Mais là, maintenant, ils ont quand même rajouté sur les épaules le pédigré de putschiste. Ouais. Donc ce qui là, ça craint quand même, parce que donc ils font il y a eu des enquêtes, des trucs. Donc là ils disent, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si un putschiste est élu, tu vois? Et là, en fait, leur cycle de propagande se retourne contre eux, c'est-à-dire qu'attendez, le mec est un putschiste avéré, donc officiellement, tout ça dans toute leur rhétorique, ça, donc c'est un putschiste avéré. Mais comment on fait si le peuple soutient un putschiste avéré? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors bon, c'est là que ça devient marrant, parce qu'en fait, ils se mettent dans une impasse eux-mêmes, quoi. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Mais oui, le Parti démocrate et la Maison Blanche, l'État profond, si tu veux, tire à boulet. Enfin, ils attaquent aussi Musk. Ils ont lancé une procédure, donc c'était le département de la justice. Hein. Qui a lancé une procédure contre toutes les boîtes de Musk, parce qu'il n'emploierait pas de demandeurs d'asile. D'accord? Donc surtout dans SpaceX, tu veux, donc. Il est dans des, dans des boîtes, hein, où, d'un côté, tu as des services de l'État qui disent non, tu dois employer que des citoyens américains parce que, potentiellement, ça peut être utilisé comme des armes, hein, tout ce qui est fusée. Et de l'autre côté, tu as le DOJ, hein, le département de la justice, qui l'attaque parce qu'il n'emploie pas de clando. Voilà, il y a une offensive assez forte en ce moment, pour tout ce qui est vu comme une menace au pouvoir. C'est Trump d'un côté, et Musk de l'autre, qui... Bon, même si la plateforme Twitter a des limites, hein, dès que l'ADL fait trop de bruit, ça vire. Même avec toutes les limites que ça peut avoir, c'est quand même perçu comme une menace. Comme trop, ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est quand même perçu comme trop, ouais, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas censurés. C'est pas comme Facebook. Si tu veux, ouais, il y a quand même des... Il y a plus de liberté. Hein. C'est, en tout cas, côté américain. Sur le côté français, bon, je pense que ça doit toujours obéir au doigt. Le petit doigt sur la couture, dès que le rabbin fait son truc. Quoi. Oui, je pense. Ouais. Mais au niveau américain, c'est assez intéressant. c'est assez intéressant. Et c'est bon, c'est clairement pour ça qu'il se prend qu'il se prend des poursuites. Enfin, imaginez-vous que voilà, c'est comme si c'était le ministère de la justice qui saisissait pour te dire putain, espèce d'enculé, là, on va te niquer ta mère. Tu vois, c'est ça, quoi. Oui, absolument. Ouais. Donc toi, tu vois ça comment la suite de la suite de l'élection? Enfin, si tu t'intéresses éventuellement à l'élection. Bah, je regarde pour l'instant. Écoute, je vois. Enfin, je vois Trump être nommé. Après, qu'est-ce qui va qui va-t-il choisir comme second? Ça sera une bonne question, je sais pas. On verra bien un petit peu comment ça se passe. Il faut suivre les développements. Enfin, en tout cas, ça commence à être intéressant là, depuis cette semaine. Oui. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont empêcher Trump d'être élu. C'est ça que je. Ouais, surtout si l'autre se représente. Bon, après, tu me diras, ils l'ont déjà fait élire une fois. Il était à deux doigts. Enfin, je pense qu'il porte une couche. Je suis certain qu'il se chie. Ah dessus. Oui, je pense. Que il n'est pas. Il est pas. Voilà, il est incontinent, c'est sûr. Il n'arrive plus à marcher et tout. Enfin, c'est, il raconte n'importe quoi. Alors, sauf quand il s'agit de sauver son fils de l'Ukraine, des embrouilles en Ukraine. Quoi, hein, sauf qu'il, et là il savait qui il fallait faire virer. Quoi, hein, et, ouais. Bon, ouais. Le procureur, ouais, il savait qu'il y avait un procureur qu'il fallait virer. Ouais. Bon, pourquoi? Ouais, parce que tu t'occupes. Voilà. Bah ouais, on va voir, mais a priori, moi je pense que Trump se ferait réélire, donc je crois qu'ils sont obligés de truquer le vote. Mais à mon avis, ils seront obligés de le truquer à une telle échelle que ça sera pas contestable que c'est truqué. Ce sera là pour le coup, quelques états ça suffira pas. Il va vraiment falloir, enfin, comme dans une république africaine, quoi, dire oh, non, mais il a gagné, non, tu vois, c'est genre il en a gagné, non. Voilà. Oui, ou alors. C'est genre Ahmed Sey avec en truquant sur, je sais pas, 20 ou 25 ou 30 millions de votes, quoi. Quelque chose comme ça. Non, ou alors commencer une guerre avec la Chine 6 mois avant. Ah, c'est bien aussi, ça. Voilà. Bah ouais, on peut pas. Les élections, bah non. Ouais, pas comme ça, ouais. Pas tout à fait. Puis voilà, puis il y a plus important. Là, voilà. Le tournant que ça prend quand même, avoir là, le département de la justice qui. Voilà, qui va. Bon, Trump, je crois que c'est le cumul des poursuites, hein, des condamnations potentielles, je crois que c'est 700 ans. Oui. Voilà, bah, bon, de toute façon, ils veulent le boucler, hein, ils veulent le boucler, lui, c'est sûr. Ils veulent le boucler, et puis que ça... Pas le boucler 5 minutes. Quoi, hein, pas le... Ah non, ils veulent vraiment le. Bah, ils sont dans une phase de... Comment dire, le niveau de corruption généralisé de l'État américain est tel que ils deviennent ce qu'on appelle une république bananière. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Trump qui se fait donc qui a 700 ans de prison potentiellement sur sa tête, s'attaquer sous des prétextes bidons à l'Empire Musque, quoi. Hein, bon, oui, il y a un tournant, c'est comme les Arabes qui calibrent des mecs à moto. Hein, c'est-à-dire que quand il y a l'État qui commence à faire ça, bon, il faut t'attendre à la suite, si tu veux. C'est pas un épiphénomène. Hein, ça vient après le Covid, ça vient. On va vers quelque chose, il y a une direction. Hein, oui, je pense. Ouais. Donc, il y aura un moment donné où les élections. Seront un risque trop important à prendre. Ou alors, si on fait des élections, les mecs seront tués avant. Donc, soit effectivement Trump se fera calibrer, soit il y aura de la triche, peut-être monumentale, je ne sais pas. Ou alors, il n'y aura carrément pas d'élection parce qu'il y aura une. On aura une guerre de l'Occident contre soit la Russie, soit la Chine, soit les deux. Mais bon, est-ce qu'il va. Voilà. Il faut suivre les développements à l'étranger, surtout, parce que bon, là, c'est rigolo la primaire bon, avec Trump, qui regarde ça de loin et qui leur met des pichenettes à chacun. Hein, Ron de Sanctimonious, voilà. Bon, voilà. c'est marrant, voilà. La vidéo avec Tucker, il n'y avait pas vraiment d'intérêt, hein, l'interview avec Tucker. C'est juste, il a fait le show. C'était assez marrant, quoi. Mais ouais, les développements, il faut suivre là. Est-ce qu'il va y avoir une escalade en Ukraine? Oui ou non? Et sinon, qu'est-ce qui se passe sur Taïwan? Parce que Taïwan, ça fait quand même un petit moment qu'on nous rabâche, Taïwan. Oui, ça fait partie aussi du jeu, oui, je crois. Oui. Ça fait partie du truc. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours. Voilà, on sait quelle est l'étape d'après déjà. Hein. Il n'y a pas de surprise. Donc, ouais, c'est pas évident. Ouais, bien noté, bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Effectivement, la carte de la guerre est une bonne option. En plus de l'assassinat, etc. Bien entendu. On suivra ça avec intérêt. Eh bien, Derek, merci. On se retrouve une prochaine fois. Et à bientôt pour une émission.